Dans les classiques du théâtre italien, la radiodiffusion française présente Alice Cossea, Hélène Perdrière, Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie Française, Robert Pisani, Christian Gérard, Georges Chamarat, sociétaire de la Comédie Française, Mireille Perret, Claude Larue, Clément Thierry, avec Daniel Lecourtois, dans La Maison Neuve, comédie de Carlo Goldoni. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. La traduction et l'adaptation radiophonique sont de Michel Arnaud, qui va vous présenter l'œuvre et son auteur. Goldoni et son œuvre sont, entre certains Italiens et le reste des hommes, l'objet d'un malentendu qui renforce ceux-là dans l'idée que l'on refuse toujours de rendre justice à leur patrie et achève de convaincre ceux-ci que les Italiens sont totalement dépourvus du sens de la mesure. Parce qu'il fut de son vivant un auteur quelque temps fêté et heureux, parce que surtout, jugeant que la littérature italienne manquait d'un théâtre comique écrit, il s'avisa de lui en susciter un, ce dont Voltaire le complimenta fort, ce charmant dramaturge vénitien est devenu un sujet de thèse. Et parce que, malgré ses accablants hommages universitaires, bon nombre de ses pièces continuent de se jouer avec un succès mérité un peu partout dans le monde, des pédants, matinés de Chauvin, ont inventé de placer l'auteur de la Maison Neuve sur le même plan que celui du misanthrope, ou d'établir de graves parallèles entre Shakespeare et lui, d'où le susdit malentendu. Mais, après tout, Goldoni eut peut-être fini par devenir le géant comique que voudraient faire de lui les auteurs de manuels, si, soudain, en pleine maturité, il n'avait à peu près complètement cessé de produire pour le théâtre, et fuit Venise pour gagner la France, où il devait mourir dans la misère quelque 30 ans plus tard, âgé de 86 ans. La raison de ce brusque silence, la raison de cette déroute, les attaques du comte Carlo Gozzi, dont il avait, en luttant victorieusement du reste contre la Commedia dell'arte, échauffé la bile redoutable. Car Gozzi avait la dent dure, et, dans ses mémoires inutiles, analysant avec sa férocité coutumière l'œuvre de son souffre-douleur, il lui découvre 4 aspects. Des pièces à canevas, que Goldoni a bien été obligé de fabriquer avant et après sa splendeur, des comédies volontiers larmoyantes et des ouvrages un peu trop romanesques et exotiques à la mode du temps. Sur tout cela, qui représente plus de 150 titres, l'aigre comte tire joyeusement un trait et ne marque de l'indulgence que pour la 4e manière et la seule originale de Goldoni, ses tableaux de la vie vénitienne en dialecte ou en italien. Gozzi ne jugeait pas si mal que cela. En effet, si l'on accepte la locandiera et l'éventail, les 6 ou 7 chefs-d'œuvre de Goldoni sont bien ces comédies vénitiennes où l'on dirait que le dialogue chante et danse tant il a de naturel, de vérité, de mouvement, de jeunesse. La Bottega del Café, Il Campiello, Les Donne Gelose, Les Baruffe e Chiozzotte, Les Rusteghi et cette Casanova qui vous est présentée aujourd'hui et qui est un spécimen parfait du théâtre vénitien de Goldoni. Peu ou pas de sujet à proprement parler, mais des personnages observés avec acuité et transportés tout chaud sur la scène. Goldoni, dans ses mémoires écrits en français, expose du reste ainsi la genèse de sa pièce. Je venais de changer de logement, et comme je cherchais partout des arguments de comédie, j'en trouvais un dans les embarras de mon déménagement. Ce n'est donc pas de mon particulier que je tirais le sujet de ma pièce, mais la circonstance me fournit le titre, et l'imagination fit le reste. Et Goldoni termine par ce commentaire, auquel nous l'espérons vous voudrez bien souscrire. La Maison Neuve fut extrêmement goûtée. Elle fit la clôture de l'automne 1759, et elle s'est toujours soutenue dans la classe de ses pièces qui plaisent constamment et qui paraissent toujours nouvelles au théâtre. La Maison Neuve, mais une pièce qui n'est encore qu'un chantier, car ainsi qu'en témoignent du reste ses coups de marteau, ses gémissements de rabot, ses frottements de pinceau, ses vagues cliquetis et ses autres bruits difficiles à identifier, tous les corps de métier, ou du moins ceux du bâtiment, menuisiers, peintres, serruriers, sont réunis ici et sous la surveillance éclairée de Maître Sgualdo, tapissier décorateur, travaillent plus ou moins activement à la mise en état de la future demeure de l'illustrissime Anzoletto Argani. nous y sommes, finissons cette pièce. C'est celle qui doit servir de salon de réception et M. Anzoletto. Faudrait qu'elle fût prête avant ce soir. On n'aura jamais fini. On peut toujours essayer. Allons, mes amis, tâchons de nous dépêcher un peu. Toi, Onofrio, termine-moi la peinture de surprise. Et toi, Laure, achève de fixer ce lambris. Oh, on fera ce qu'on pourra, mais... Allons, allons, ne discutons pas et en revenons. Dites-moi, monsieur le tapissier. Oui. Il y a bientôt 2 mois que vous êtes après cette maison et elle n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que ça serait si vous aviez dû la faire de fond en comble? Oh non, il faut si longtemps que cela pour barbouiller les plafonds, salir les murs, planter 3 clous et placer 4 meubles. Vous êtes bien impatiente, mademoiselle Lucietta. Peut-être, cher monsieur Sgualdo, peut-être, mais il y a de quoi. C'est aujourd'hui que la jeune dame doit venir s'installer ici. Et mon maître m'a donné l'ordre de nettoyer le vestibule, le salon et au moins 2 chambres. Et moi, voilà 2 jours que je ne fais que balayer, fourbir et vos hommes, maudit soit-il, ne font que faire de la poussière et des saletés. Ah, ma foi, vous avez raison de vous plaindre. Mais mes hommes ne sont pas dans leur tort pour autant. Nous aurions fini depuis un bon bout de temps, monsieur Anzoletto. Votre patron change tous les jours d'idée. Il écoute tout le monde. Et vous savez comment c'est, hein? L'un lui dit une chose, oui, oui. L'autre lui en dit une autre. Oui, et de la sorte, tout ce que l'on fait aujourd'hui, demain, il faut le défaire. Oh, tenez, dans cet appartement, il y avait 3 chambres avec cheminée. Mm. Eh bien, parce que quelqu'un lui a dit qu'une cheminée dans une chambre, ce n'était pas sain, oui. Il les a fait boucher. Oh. Là-dessus, voici quelqu'un d'autre qui vient lui dire qu'une chambre sans cheminée, c'est de la démence. Alors, lui, tout de suite, rouvrez-moi cette cheminée. Et puis, non, pas celle-ci, cette autre. Tenez, c'est comme pour le petit salon. Mm. D'abord, il le voulait près de la cuisine. Mm. Et puis, non, de la cuisine, il vient de la fumée. Transportons le petit salon à l'autre bout du couloir. Allez, et ainsi de suite. On fait, on défait, on refait, on redéfait. Et la note augmente. Et quand je lui demande de l'argent, il se met en colère. Il crie, tape du pied. Et maudit cette maison ainsi que la personne qui la lui a fait prendre. Ah, la personne qui la lui a fait prendre, monsieur Sgualdo. C'est madame, sa jeune femme. Vous étiez donc si mal que celle-là où vous étiez avant? Oh non, dans l'ancienne maison, on était très bien. Oui, mais madame n'a pas daigné y habiter parce qu'il n'y avait pas de perron pour monter en gondole. Non. Parce que, paraît-il, le vestibule était trop petit. Parce qu'il n'y avait pas 3 pièces en enfilade. Parce que, d'après elle, les meubles étaient antédiluviens et que sais-je encore. Enfin, toujours est-il qu'elle a obligé monsieur à prendre un loyer supérieur de 60 ducats à l'ancien. Qu'elle lui fait dépenser un argent fou en déménagement, en travaux, en meubles neufs et qu'elle n'est même pas contente. Ah, elle doit lui avoir apporté une belle dot. Une belle dot? Ah, ne m'en parlez pas. Elle lui a apporté des clous. Et une dose d'orgueil à frémir. Ah, mon maître n'a pas un brin de bon sens. Il s'est emballé, je ne sais vraiment pas pourquoi. Oui, madame est plutôt jolie. Elle a 24 ans, elle est de bonne famille. Mais elle a été élevée dans un tel luxe que pour le lui conserver, il faudrait 3 ou 4 000 ducats de rente. Alors, allons, allons, sans avoir 4 000 ducats de rente, monsieur Anzoletto a quand même de quoi. Oui, oui, il avait de quoi, comme vous dites, à la mort de son père. Mais depuis, il a tant jeté de sous par la fenêtre que maintenant, le pauvre, il est sur le sable. Non. Oh, et avec une sœur à marier et sa jeune dame à entretenir, on peut dire qu'il est bien loti. Et ça ne m'étonne pas qu'il tape du pied et pousse les hauts cris quand vous lui demandez de l'argent. Oh là là là. Et tenez, je vais vous raconter quelque chose. Oui. Mais surtout, n'en dites rien à personne, vous comprenez, je ne voudrais pas passer pour une bavarde. Ne craignez rien, ne craignez rien, je suis discret. Eh bien, mon maître s'en va de l'ancienne maison en devant encore une année de loyer. Oh. Et ici, dans la nouvelle maison, il n'a pas encore payé les 6 mois d'avance. Et tous les jours, le gérant de l'ancienne maison et celui de la nouvelle viennent. Et mon maître donne l'ordre de dire qu'il n'y est pas. Et je ne sais pas comment tout cela va finir. Ça va vraiment aussi mal que cela? Si je vous disais qu'à moi, il me doit 7 mois de salaire. Oh. Oui, oui. Parole d'honnête fille. Ah oh, bon sang, vous me donnez encore au cœur. C'est que j'ai de l'argent dehors, moi. Avec tous ces travaux et tous ces hommes sont à ma charge. Je ne voudrais pas en être de ma poche. Oh, remarquez qu'il n'est peut-être que momentanément gêné. Eh bien, je l'espère. Ce que j'en dis, c'est surtout parce que je suis furieuse de quitter l'ancienne maison. Mais pourquoi? Vous ne pouvez tout de même pas nier que celle-ci soit belle. Oh, elle est non, peut-être hein? Belle, oui, oui, mais elle est d'une tristesse. Oh, on ne voit pas passer un chat. Tandis que dans l'autre, je n'avais qu'à me mettre à la fenêtre pour être de bonne humeur. Ah. Et puis j'étais entourée d'amis. Voilà. Quand j'avais fini mon ménage, j'allais sur la terrasse ou sur l'altane, et dès que les autres servantes m'entendaient, elles se précipitaient dehors, elles aussi. Et on bavardait, on riyait, on se racontait nos amours, oui. Quoi. On s'épanchait un petit peu et on s'amusait. Ah, je ne vous dis que ça. Mais ici, je ne sais pas qui je vais avoir comme voisine. Voilà. Je me suis déjà mise plusieurs fois à la fenêtre, eh bien vous me croirez si vous voulez. Pas une seule de mes collègues ne m'a encore saluée. Pas possible. Et pourtant, c'est à elle de me faire les premières avances, hein. Vu que je suis la dernière arrivée. Ah si, ce matin, une ânesse de Frioulane m'a regardée. Et puis, elle m'a fermé sa fenêtre au nez. Je suis sûr qu'avec le temps, vous aurez autant d'amis ici que dans votre ancienne maison. Mmh. Les femmes sont les mêmes partout. Elles ne demandent qu'à bavarder. Oh. Mmh. Non, non, ici, ce ne sera jamais la même chose. Ah, soyez franche, mademoiselle Lucietta. Ce sont les servantes de là-bas que vous regrettez ou quelques beaux valets? Un peu l'un, un peu l'autre. Il trouvera bien le temps de venir vous faire une petite visite. Oh, je ne suis pas de celles qui font venir les hommes à la maison. Une fois de temps en temps, je ne dis pas. Par exemple, quand je vais à la cave, tirer du vin. Mais deux mots, et c'est tout. Ah non, je ne veux pas qu'on puisse dire. Oh. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends. Et puis croyez-moi, monsieur Sgualdo, ce n'est pas tant pour moi-même que je regrette ce changement de logement que pour ma pauvre petite maîtresse. Pourquoi ? Mademoiselle Meneghina ne se paie pas non plus dans sa nouvelle maison ? Je vais tout vous dire. Oui. Oui, mais surtout ne le répétez à personne. Oh, moi, vous savez... Oui, je vous connais. Alors ? Eh bien, là-bas, dans l'ancienne maison... Oui. Elle avait son amoureux qui habitait en face. Et elle pouvait le voir à n'importe quelle heure. Et la nuit, elle montait dans ma chambre et nous restions des heures et des heures à parler. Elle avec le maître et moi avec le serviteur. Tandis qu'ici, nous sommes comme deux vieux croutons derrière un meuble. Oui, mais pourquoi son frère ne la marie-t-il pas ? Vous êtes bon, vous ! Avec quoi voulez-vous qu'il la marie ? Ah, il va donc falloir qu'elle reste fille. La pauvrette, si son oncle ne s'en mêle pas, je la vois mal partie. Ça, si M. Cristofolo le veut, elle n'a pas à s'inquiéter. Ah oui ? Mais M. Cristofolo s'est disputé avec son neveu, qui s'est marié sans le lui dire. Et c'est ma pauvre maîtresse qui va en partir. Mais non, mais je ne veux pas vous m'occuper, je n'ai pas le temps maintenant. Oh, le patron, je m'en vais. Surtout ne lui dites pas que je vous ai dit que... Mais qui me prenez-vous ? Vous m'avez fait parler et je n'ai rien nettoyé. Et moi, vous m'avez fait perdre mon temps. Oh, ça fait plus un peu moins. Et alors, ça avance ? Comment ? Cette pièce n'est pas encore finie ? Demain, tout sera fini. Mais il y a 20 jours que je vous entends dire « Demain, tout sera fini ». Évidemment, et si nous continuons ainsi, nous n'aurons pas fini dans 2 ans. Vous n'arrêtez pas de donner des ordres et des contre-ordres. Vous écoutez tout le monde. Vous voulez faire au gré de tout le monde. Mais vous avez raison, mais maintenant, ce qui est dit est dit. Allez, dépêchez-vous, mon brave. C'est aujourd'hui que ma femme doit venir, et ce soir, nous couchons là. Bah, la chambre à coucher sera prête. Bien, mais je regrette que le salon ne soit pas aussi. Mais que vont dire les gens ? Enfin, je ne peux pas faire l'impossible. Mais c'est pas difficile pour les deux hommes en plus. Ah non, ce n'est pas difficile. Il suffit que vous me donniez de l'argent. Nous y voilà, de l'argent, toujours de l'argent. Vous ne changerez donc jamais. Sans argent, l'aveugle ne chante pas. Allez au diable, je n'ai pas d'argent à vous donner. Mais comment voulez-vous que je fasse ? Je vous en donnerai demain. Ah, mes hommes, il faut que je les paie. Ce sont tous des gens qui vivent toujours le jour. Et demain, ils sont payés. Demain, vous aurez tout l'argent que vous voudrez. Oui, mais en fait, je... Ben oui, quoi, vous auriez peur que je ne vous paie pas ? Non, non. Et vraiment, on ne harcèle pas les gens jour après jour. Ah, lorsque les gens vous éconduisent jour après jour... Quand je dis quelque chose, je n'aime pas qu'on discute. Faites votre devoir et je ferai le mien. Bon, bon, je... j'attendrai demain. Mais dépêchez-vous. Vous allez voir si je me dépêche. Tony ! Patron ? Cours chez moi ! Dis à mes 3 commis de tout laisser, de venir ici. Ah, patron ! Lucetta ! Lustricine ! Va à la cuisine et donne un coup de main à la cuisinière. Ah, vous dînerez ici aujourd'hui, Lustricine ? Mais oui, je dînerai ici avec ma femme et 3 ou 4 amis. Oh, ah, et puis, dis à ma sœur qu'elle s'arrange un peu pour faire honneur à sa belle-sœur et à ses invités. Ah, mais je ne sais pas si toutes ces affaires sont arrivées. Mais si elles ne sont pas arrivées, elles seront là d'un instant à l'autre. Je vais sur le champ à l'ancienne maison faire porter le reste du déménagement. Ah, le linge de table aussi est toujours là-bas. Je ferai tout porter. Combien faudra-t-il mettre de couverts ? Mais en 10. À vos ordres. Squanto ! Cianzoletto ! Mais ces 2 tableaux ne vont pas dans cette pièce. Je vous l'ai dit moi-même qu'ils n'iraient pas. Mais vous vous êtes laissé embobiner par ce peintre. Et... Enlevons-les. Ah oui. Et que mettrons-nous à la place ? Nous trouverons bien quelque chose. Oh oui, on trouve toujours quelque chose. Mais si l'on commence à faire de nouveaux changements, nous n'aurons jamais fini ce soir. Eh bien alors, laissons-les là pour l'instant. Si vous vouliez quelque chose de bien, là, eh ben, il vous faut un beau miroir. Et puis il fallait mettre une petite frange dorée à cette tapisserie. Très juste, on me l'a dit. Mettons une petite frange dorée. Mais il faut le temps. Mais prenez 2 hommes en plus. Il faut 100 brasses de frange à un traire la brasse, ce qui fait 25 livres. Achetons les 100 brasses de frange. Donnez-moi les 25 livres. Achetez-les vous-même, je vous réglerai ça demain. Mais je ne peux pas, lustrissime. Vous comprenez ? Eh bien, laissons-la la tapisserie, ça se passera de frange. On peut entrer ? Bien sûr, mon cher Fabrizio, bien sûr. Et alors, mon bon, elle n'est pas encore finie, cette maison ? Et nous sommes après. Qu'en dites-vous ? Elle vous plaît ? S'il faut vous parler franchement, non. Non ? Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, vous avez commis une grosse erreur en mettant votre lit dans une pièce exposée au nord. C'est dans cette pièce-ci qui est exposée au midi qu'il fallait faire votre chambre à coucher. Mm-hmm. Et dormir dans une pièce exposée au nord, c'est la mort. Vous entendez, monsieur Squaldo ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez me faire dormir dans une pièce exposée au nord ? Vous voulez ma mort ? Il fallait y penser avant. Mais si nous voulons remédier à cela, il est encore temps. Que voulez-vous que je fasse ? Vous n'allez tout de même pas me dire qu'il vous faut une semaine pour transporter un lit dans cette pièce. Et les rideaux et tout le reste. Oh, avec des hommes et de l'argent, on peut tout faire. Oui, monsieur Squaldo, avec des hommes et de l'argent, on peut tout faire. Eh bien, je me charge des hommes, chargez-vous de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ce ton ? Est-ce que je vous ai jamais refusé un sou ? Oh, je... Vous l'entendez, mon cher Fabrizio ? Oui. Je dois bien lui avoir donné à cette heure plus de 1000 ducats. Oui. Et parce que ce matin, je n'ai pas l'argent sur moi. Oh, car j'ai oublié de m'en faire donner par mon intendant. On dirait que je refuse de lui donner ce qu'il réclame. C'est inimaginable. N'est-ce pas ? Oh. Mais en fait, mon cher, auriez-vous 10 ou 12 ducats à me prêter ? Je vous les rendrai demain. Si je les avais, je vous les prêterais bien volontiers, mais hélas, non, vraiment, je ne les ai pas. Monsieur Squaldo ! Monsieur ? Combien ça va-t-il me coûter? Le déplacement du lit et des autres meubles et les changements qui sont nécessaires? Eh bien, en gros... Mais en gros ou en détail, cela ne peut pas monter beaucoup. Que vous importe, mon cher Anzoletto. Et quant à vous, monsieur le tapissier, il vous suffit de savoir, n'est-ce pas, que vous travaillez pour un gentilhomme. Oui, mais enfin... Je... Alors, au travail, monsieur le tapissier. Oui, au travail. Et qu'attendez-vous? Bon, bon, bon. Allons, les enfants, viens avec moi. Rien de petit changement à faire. Oh, oh. Eh ben, moi, je veux bien, mais comme ça, on ne finira jamais. Non, mais on finira quand on pourra, n'est-ce pas, monsieur Anzoletto? Oui, oui, dépêchez-vous. Ces gens sont tous les mêmes, aussi incapables qu'insolents. Je vous assure qu'ils me font devenir fou. N'arrête pas de donner de l'argent et jamais rien n'est fait. En passant, là, j'ai jeté un coup d'œil à votre cuisine. J'ai eu une impression de grande activité. Et c'est qu'aujourd'hui, nous dînons ici. Avec votre épouse? Avec mon épouse. Vous donnez à dîner à la famille? Oui, à quelques parents, à quelques amis. Mais moi, n'est-ce pas, je ne suis pas du nombre de vos amis. Que dites-vous là, mon cher Fabrizio? Et si vous voulez me faire l'honneur de partager notre modeste repas, ne vous gênez pas. Eh non, j'accepte, en toute simplicité. Oh. Je ne vous cacherai pas que j'ai grand plaisir à me trouver en la compagnie de votre femme. Elle a infiniment d'esprit. Oui, infiniment. Et même parfois un petit peu trop. Vous en plaignez? Non, non, non, bien sûr. Ah, comme je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur les dangers de l'exposition au Nord. Votre santé me préoccupe tellement, mon bon. Et celle de votre femme aussi, naturellement. En ce qui concerne ma femme, elle est si difficile à contenter que je ne sais pas comment m'y prendre pour y parvenir. Ah, oui. Ah, qui est cette jeune personne qui passe là-bas dans le couloir? Vous ne la reconnaissez pas? C'est ma sœur. Mademoiselle Meneghina? Sapristi, comme elle a grandi. Ah, bien trop même. Il va falloir que vous songiez à la marier. Ah, ne m'en parlez pas. On peut entrer? Oui, oui, oui, venez, Meneghina. Je suis le très humble serviteur de mademoiselle Meneghina. Je suis votre servante, monsieur. Je voulais vous remercier, monsieur Monfer, de la belle chambre que vous m'avez réservée. Et qu'y a-t-il? Elle ne vous plaît pas? Je ne croyais pas encore être à l'âge où l'on doit s'enterrer. Oh, qu'est-ce que vous racontez? Quelle idée délicate que de m'installer dans une chambre qui donne sur une cour obscure et close où il ne passe jamais personne. Oh, mademoiselle Meneghina, vous voudriez-vous avoir votre chambre? Sous l'escalier, sous les toits, n'importe où, mais je me refuse à rester une seule minute dans celle-ci. Mais ma chère sœur, la maison est petite et... Petite cette maison? Est-ce qu'il y a encore 4 pièces rien que de ce côté-ci? Oui, oui, mais voyez-vous, ma chère, ces 4 pièces forment notre appartement à ma femme et à moi. Mais oui, tout pour elle. 4 immenses pièces en enfilade. Et pour moi, un cagibi. Un cagibi? Oh. Mais qu'est-ce que vous me racontez avec votre cagibi? Votre chambre est une grande et belle pièce avec 2 fenêtres. Ah. Vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Et je me plains pourtant. Et savez-vous pourquoi? Parce que si je m'y mets à l'une de vos fameuses fenêtres, je ne vois que des chats, des souris, des lézards et un tas d'ordures qui me donnent la nausée. Et vous souhaiteriez avoir sous les yeux un spectacle un peu plus animé, n'est-ce pas, mademoiselle Meneghina? Cher monsieur, je vous serais reconnaissant de ne pas vous occuper de ce que je souhaite. Voyons, Meneghina, si vous voulez passer un moment au balcon, comme ça, après dîner, vous n'avez qu'à venir ici. Vous êtes trop aimable, mon frère, mais rassurez-vous, je ne mettrai jamais les pieds dans votre appartement. Ah, vraiment, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on vous aime. Mais comment voulez-vous que ma femme traite avec affection une fille aussi rustaude, aussi malgracieuse? Qu'elle ne se fatigue donc pas à faire l'aimable avec moi. Elle n'en a nulle envie, et moi, je m'en moque bien. Meneghina! Il n'y a pas de Meneghina qui tienne. Mais non. C'est déjà que votre femme ne peut pas me voir, mais nous sommes quittes car j'en ai autant à son service. Et vous avez le front de me le dire? Moi, je suis franche, mon frère. Et quand j'ai quelque chose à dire, je ne l'en peux pas dire. La franchise est une belle vertu. Mais que vous a donc fait ma femme? Qu'avez-vous contre elle? Qu'avez-vous contre moi? Vous croyez donc que ça me fait plaisir d'être nantie d'une belle sœur? Tant qu'a vécu notre pauvre mère, c'était moi qui commandais à la maison. Et pendant cette année où nous avons été seuls, c'est encore moi, je peux le dire, qui était la maîtresse de votre ménage. Et maintenant que l'illustrissime Madame Cécilia est là, c'est elle qui va commander. Si j'ai besoin d'acheter une paire de souliers, il faudra que je lui en demande la permission. Oh, Madame Cécilia n'est pas quelqu'un d'autoritaire. Bon. Et même si elle l'est un tout petit peu, une jeune fille ne doit-elle pas toujours céder à une femme mariée? Monsieur Fabrizio, je vous serais infiniment obligé de m'épargner vos commentaires. En somme, ma sœur, j'aurais dû ne pas me marier pour vous faire plaisir. Avant de vous marier, vous deviez songer à me marier, moi. Ah, en cela, elle n'a pas tout à fait tort. J'ai tort ou raison, c'est la même chose. Ah, oh. Si une bonne occasion s'était présentée pour vous, je vous aurais marié. Et elle ne s'est pas présentée? Non. Si. Qui ça? Votre Lorenzine, sans doute. Oui, monsieur. Mon Lorenzine. Et vous avez dit non? J'ai dit non parce que ce mariage ne me convenait pas. Oh, regardez-moi ce prétentieux. Non, mais... Quel mari rêvez-vous donc pour moi? Un comte? Un marquis? Quelle dot avez-vous à me donner? Celle que vous a apportée l'illustrissime Madame Cécilia, peut-être. C'est-à-dire du vent, de la fumée et de la misère. Assez! C'est moi qui commande ici. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Et moi, je ne me laisserai pas marcher sur la tête pour ma belle-sœur. Mais vraiment, madame, et peut-on savoir quelles sont vos intentions? Je vais aller habiter chez mon oncle. Si vous allez seulement le voir, si vous le saluez, si vous le regardez seulement, je vous renie pour ma sœur. Faites comme s'il était mort pour vous. Excusez-moi, mon cher, mais c'est là trop de sévérité. Pas du tout, pas du tout. Mon frère sait très bien ce qu'il dit. Si je vais chez mon oncle, c'est chez l'un de ses ennemis que je vais, car oui. Mon oncle est un homme comme il faut, un homme plein de sagesse, et qui n'a jamais pu souffrir que son neveu gaspille idiotement son bien, et qui maintenant, surtout que son neveu s'est marié... Finissons-en, je vous en prie. Tenez votre langue et ne me faites pas mettre en colère. Ça vaudra mieux pour vous. Allons, allons, il ne faut pas faire des montagnes avec rien. Tout cela est facile à arranger. Donnez à Mademoiselle Meneghina une chambre sur la rue et vous verrez que vous n'aurez plus qu'à vous louer d'elle. Une dernière fois, cher monsieur, je vous prie de garder vos réflexions pour vous. Mais voyons, mademoiselle, je plaide pour vous. C'est par intérêt pour vous. Je n'ai besoin ni d'avocat ni de protecteur. Ce que j'ai à dire, je suis assez grande pour le dire toute seule. Et je l'ai dit, et je le répète, et je le répéterai. Je ne resterai pas un seul instant dans cette chambre et maudit soit le jour où vous avez loué cette maison. Mademoiselle, votre sœur est un peu vive. Un peu. Ah, j'en aurai les cheveux blancs. Votre femme peut avoir une salutaire influence sur elle. Certainement, certainement. Mais je dois vous dire tout à fait en confidence que j'ai un peu peur que ma femme ne risque d'être pire encore que ma sœur. Diable ! Mais alors pourquoi l'avez-vous épousée ? Je ne le sais pas moi-même. Bon. Ben, par entêtement, peut-être. Avec deux femmes de cet acabit dans votre maison, je vous vois mal parti, mon pauvre. Vous devriez au moins vous libérer de votre sœur. Si je savais comment. Combien lui donnerez-vous de dot ? Et pour le moment, je ne puis rien lui donner. Mais votre oncle vous aiderait, peut-être ? Ah, ne me parlez pas de mon oncle. Il m'a insulté. Il m'a dit des choses. Même si je mourrais de faim, je ne voudrais pas lui demander un morceau de pain. Oh, allons, allons. Quand il s'agit de son intérêt, on peut passer sur bien des choses. Si ma femme apprenait jamais que je me suis humilié devant mon oncle, pauvre de moi. Vous comprenez, il l'a insultée, elle aussi. Et si je veux avoir la paix chez moi, il faut bien que je prenne parti. Je n'insiste plus. Vous êtes majeur, vous êtes un homme, c'est donc à vous de juger quelle est pour vous la meilleure ligne de conduite. N'est-ce pas ? Mais je bavarde et le temps passe. Cher ami, voulez-vous me rendre un service ? Oh, volontiers ! Pendant que je vais à mon ancienne maison m'occuper de faire transporter le reste de mes affaires, surveillez un peu ces hommes qui se dépêchent de finir ces deux pièces avant ce soir. Vous pouvez compter sur moi ! Quand ma femme va arriver et qu'elle verra que rien n'est encore terminé, je m'attends qu'elle me dise mon fait. Si je ne me trompe, il y a 15 jours que vous êtes marié. Oui ? Et pourquoi ? Eh bien, je trouve que votre femme les a bien employés ces 15 jours. C'est déjà elle, à ce qu'il paraît, qui fait la loi dans votre ménage. Non, non, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut vraiment pas dire ça. Ma femme ne fait pas la loi dans mon ménage et je ne suis pas de ceux qui se laissent mener par le bout du nez. Ouais. Du reste, pourquoi ferait-elle la loi quand nous sommes d'accord sur tout ? Quand nous sommes du même avis sur tout ? Vous êtes peut-être un peu susceptible, mais je le suis aussi. Tenez, tenez, une fois, nous n'étions pas encore mariés, je lui faisais la cour. Eh bien, pour un mot, pour un petit mot, nous sommes restés 2 mois sans nous parler. Personne ne voulait faire le premier pas. Et comment vous êtes-vous réconciliés ? J'ai eu pitié d'elle. J'ai fait comme si rien ne s'était passé. Et elle ? Elle m'a pardonné. Aussi maintenant, j'évite toutes les occasions de la contrarier et je fais tout ce que je peux pour la contenter. Et parfois, même un petit peu plus que je ne peux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici un jeune homme qui jusqu'à présent se dirigeait trop trop vers la ruine. Mais maintenant qu'il est marié, c'est au galop qu'il s'y rue. Hola, monsieur le tapissier. Monsieur m'appelle ? Oui, oui. Monsieur Anzaletto m'a prié de veiller que les travaux ne chôment point en son absence. Mais vous êtes un homme capable qui n'a besoin ni d'être surveillé, ni talonné. Oh, monsieur Fabrizio. Faites donc en toute conscience ce que vous avez à faire. Et si monsieur Anzaletto revient avant moi, dites-lui que je serai là sans faute à l'heure du repas. À tout à l'heure. À l'heure du repas. Oui, c'est bien celle où ce genre d'ami ne fait jamais défaut. Il aurait tout de même pu se dispenser de me faire faire ce travail supplémentaire. Enfin, le client a toujours raison quand il paie. Allons, les enfants, venez par ici. Avant d'apporter le lit et les meubles, commençons par enlever d'ici ce qu'il y a enlevé. Tiens, Pierrot, prends cette commode par ce bout-là, moi je la prends par celui-ci. Que se passe-t-il pour commencer tout ? Ah, vous voilà, vous. Vous venez ajouter votre grain de sel ? C'est vrai ce que m'ont dit vos hommes, la chambre à coucher du patron va être ici maintenant ? Oui, et le salon va être à la place de la chambre à coucher. Oh, c'est tout ça. N'est-ce pas ? Nous devons l'idée de ce beau changement à Monsieur Fabrizio. Et la chambre de Mademoiselle Meneghina, pas question de la faire autre part. À ma connaissance, non. Oh ! Oh, il me semble qu'on a frappé. Je ne connais pas encore le son de votre marteau. Vous pourriez peut-être aller voir. Ah oui, de la galerie, on voit la rue. Mais ce n'est pas une rue comme celle de notre ancienne maison. Oh, quelle tristesse, quelle tristesse. Ah, ces servantes, toutes les mêmes. Elles ne sont jamais contentes et passent leur temps à se lamenter. Si elles sont vieilles, elles sont bonnes à rien. Et si elles sont jeunes, elles ne pensent qu'à l'amour. Et il ne sert à rien de vouloir les prendre entre deux âges. Elles font les jeunes aussi longtemps qu'elles le peuvent, et puis, d'un seul coup, pouf, elles deviennent vieilles. Vous savez qui frappait à la porte de la rue? Non, qui ça? La jeune dame. La femme de M. Anzoletto? Oui. Oh, il me tarde de la voir. Je vous en souhaite. Elle est seule? Vous ne voudriez pas. Elle a son cavalier servant avec elle. Déjà, un cavalier servant. Oh, pourquoi remettre au lendemain? Monsieur Anzoletto n'étant pas là, c'est sans doute Mademoiselle Meneghina qui va faire les honneurs de la nouvelle maison à sa belle-sœur. Ah, vous croyez ça, vous? Quand j'ai dit à mademoiselle que madame montait l'escalier, elle s'est enfermée dans sa chambre. Alors c'est vous qui allez la recevoir? Oh, moi j'aime mieux ne pas me mêler de ça. Ce que je sais d'elle ne me donne aucune envie de me précipiter à sa rencontre. Vous ne lui avez encore jamais parlé? Pas jamais. Mais comment est-ce possible? C'est la femme de votre patron et... Mais depuis 15 jours qu'ils sont mariés, ils habitent chez elle. Et la seule fois où elle est venue à l'ancienne maison, je ne me suis pas montrée. Chut, chut, je l'entends dans le vestibule. Bon, je vais tout de même aller un peu à sa rencontre par politesse. Oui. Allons, allons les enfants, remuons-nous un peu. Faut aussi enlever les rideaux. Oui. Madame, je suis votre servante. Bonjour, bonjour. Bonjour, mais qui es-tu? La femme de chambre pour vous servir. Mais c'est engagé pour moi? Oh non, lustrissime, il y a un bon bout de temps que je suis dans la famille. Tiens, monsieur avait une femme de chambre pour sa sœur? Oui, lustrissime. Mais combien de femmes êtes-vous en tout? En tout? Ah ben pour l'instant, il n'y a que moi. Et tu prétends être la femme de chambre? Je suis la femme de chambre, qu'est-ce que vous voulez que je sois d'autre, la bonne à tout faire? Femme de chambre, c'est plus distingué. Bon, bon, bon, bon, bon, bien, j'amènerai ma propre femme de chambre. Mais quelle pièce est-ce là? Primitivement, ça devait être le grand salon. Mais maintenant, ça va être la chambre à coucher. La chambre à coucher? Oui, lustrissime. Mais le grand salon va être... Pardon. Mais quel est l'imbécile qui a eu cette belle idée? Mais c'est le tapissier? Oh non, lustrissime, pas moi, pas moi! Mais la plus vaste pièce doit être le grand salon. N'est-ce pas, comte? Eh bien, comte, où êtes-vous? Me voici, excuse, amie. Alors, me voici. Dites-moi, n'est-ce pas que dans une maison bien comprise, la pièce la plus vaste doit être le grand salon? Mais dans une maison bien comprise, mais oui, bien sûr. Alors, c'est donc ici que doit être le grand salon? Mais ici, bien sûr, ici. Vous avez tout à fait raison, excuse, amie, tout à fait raison. Bon, eh bien, vous entendez, monsieur le tapissier? Oui, mais... Mais qu'est-ce qui a bien pu prendre mon mari d'ordonner un changement aussi absurde? Il paraît que c'est pour éviter de dormir dans une chambre exposée au nord, lustrissime. Au nord, le nord, mais qu'importe, le nord. Oh, le nord, mais c'est irrésistible. Oh, je suis sûre que c'est une idée de cet idiot tapissier. Oh non, lustrissime, non, je ne suis pas un idiot. Hé là. Qu'est-ce que c'est que ces façons de hausser la voix? Ah, ça a un peu de respect, tapissier, un peu de respect. Mais remettez tout comme c'était avant. C'est ici que doit être le grand salon. C'est ici que doit être le grand salon. Voilà, j'ai... À vos ordres. Allons, les enfants, on remet tout comme avant. Oh! Eh bien, petite, qu'attends-tu pour me donner un siège? Oh, voilà, lustrissime, voilà. Et c'est gentil, on doit rester debout? Je n'ai que deux bras, lustrissime. Ma fille, si vous voulez passer pour une femme de chambre, il ne faut pas attendre qu'on vous dise certaines choses. Et surtout, il faut vous dispenser de répondre quand on vous a fait une observation. Au lieu de rester la bouche bée, donnez un siège, hein, monsieur le comte. Bien, lustrissime. Une femme de chambre, ça. Le fêté, excusez-moi, le fêté. Ah, enfin, voici de quoi s'asseoir. Je vous en prie, madame. Oh, mais dites-moi, ces chaises sont amusantes. Enfin, elles sont d'un dur, vous ne trouvez pas? Oh, le fêté, excusez-moi, le fêté. Je vais faire des petits fauteuils bien rembourrés. Très bonne idée, ça, très bonne idée. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mais ma parole, madame la femme de chambre, vous faites la tête. Moi, lustrissime. Alors, taisez-vous. Mademoiselle est vexée sans doute qu'on lui fasse des observations. Oh. Mais c'est pour votre bien, ma fille, c'est pour votre bien. N'est-ce pas, cher comte? Tout à fait, excusez ami, tout à fait. À propos, ma fille, comment vous appelez-vous? Lucietta, lustrissime. Eh bien, Lucietta, comment va madame ma belle-sœur? Elle va bien, lustrissime. Eh bien, vous la saluerez de ma part, n'est-ce pas? Il manquerait pas, lustrissime. Elle n'est pas encore venue voir ma nouvelle maison? Vous pensez bien que si. Mais quand est-elle venue? Ce matin. Elle est repartie, naturellement. Non, lustrissime. Elle est encore là? Oui, lustrissime. Elle est là? Oui, lustrissime. Je ne puis le croire. Et pourtant... Mais où est-elle, s'il vous plaît? Dans sa chambre. Dans sa chambre? Sans doute ne sait-elle pas que je suis là. Si, je le lui ai dit. Ah, elle n'a pas daigné venir me saluer? Je ne sais pas, lustrissime. Vous ne savez pas? Elle ne sait pas. Vous entendez, cher comte, comment ma belle-sœur me traite? Le fêté! Ah, vous êtes outré, n'est-ce pas? Le fêté! Vous entendez, Lucietta, quelqu'un qui connaît les usages est outré du procédé de ma belle-sœur. Enfin, montrons de la grandeur d'âme. Lucetta. Lustrissime. Allez trouver madame, ma belle-sœur, et dites-lui que si elle le souhaite, c'est moi qui irai la saluer dans sa chambre. J'y cours, lustrissime, j'y cours. En vérité, je suis furieuse contre mon mari. Non, vraiment. Oh, si j'avais su que la présence de sa sœur devait m'être imposée chez moi, jamais je ne l'aurais épousée. Mais comment? Vous ne saviez pas qu'il avait une sœur? Oh, si, bien sûr. Alors. Monsieur et mon mari m'avaient donné à entendre que sa sœur irait habiter chez son oncle. Il se peut encore qu'elle y aille. Je crains que non. Ils sont en froid avec leur oncle. Pas possible. Oui. Mon mari est même brouillé avec lui. Ah, ça, il a tort. Alors, vraiment, il a tort, n'est-ce pas? On ne se brouille pas avec un oncle qui est riche et qui est un homme de qualité. De qualité, dites-vous? Un homme de qualité? Mais c'est un rustre, un infâme. Je sais qu'il a parlé de moi dans des termes. Oh, est-il possible? Oh, il a osé dire que son neveu avait tort de m'épouser. Oh! Oui, et il a fait tout pour l'en empêcher. Il paraît que la dot que j'ai apportée à son neveu est trop petite. Parler de dot. Quand je fais à sa famille l'honneur de m'allier avec elle. Oh, alors, ça, c'est insensé. Mais il n'y a pas si longtemps qu'il était derrière un comptoir, cet oncle qui fait le difficile. Pas si longtemps qu'il gagnait sa vie en vendant des saucisses. Non. Oui, tandis que moi, je suis d'une famille où l'on vit de ses rentes. J'ai été élevée comme une fille de qualité. Je prétends qu'il n'est pas digne d'avoir une nièce de moi. Ah, le fêter, ça le fêter. Et je m'étonne. Mon cher comte, je m'étonne que vous puissiez dire de lui que c'est un homme de qualité. Mais je suis confus, exquise amie, je suis confus, n'est-ce pas? J'ignorais tout cela et je retire tout ce que j'ai dit. Et je déclare hautement que c'est un balourd. Ah, ça oui, un balourd. Ah oui, un rustre. Le dernier des rustres. Une femme de ma sorte mérite-t-elle d'être traitée ainsi? Corbleu, mais vous méritez d'être traitée comme une reine. Ah, mon Dieu, pourquoi le ciel n'a-t-il pas voulu que je vous connusse avant votre mariage avec M. Anzoletto? Ah oui, une reine, oui. Le ciel ne l'a pas voulu. Vous le regrettez, vous aussi? Non. Non? Non. Si je disais le contraire, je serais une ingrate. Je n'ai jusqu'à présent qu'à me louer de mon mari. Je l'ai aimé, je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Mais je ne veux pas entendre parler de son oncle. Je oui, oui, oui, dans les grandes lignes, vous avez raison, c'est tout à fait raison. Mais n'est-ce pas un oncle riche? Non, nous n'avons pas besoin de lui. Dieu merci, mon mari a les moyens de m'entretenir comme il convient. Non, qu'il me débarrasse seulement de sa sœur et je n'aurai plus rien à désirer. Lustrissime, mademoiselle m'a chargée de vous faire ses salutations. Elle va venir tout de suite vous présenter ses respects et vous demande de ne pas vous déranger parce que sa chambre n'est pas un salon. Mmh, c'est ce qu'elle vous a chargé de me dire? C'est ce qu'elle m'a dit et que je vous répète. Mais vous m'avez l'air d'une fidèle messagère. Vous entendez, mon cher comte? Mais tout cela me semble fort agréable. Vraiment? Mademoiselle ma belle-sœur me laisse entendre que sa chambre lui déplaît et que ne daigne pas recevoir ma visite dans une chambre qu'elle juge indigne d'elle. Et vous trouvez cela aimable, vous? Le fait est... Mais vous n'appelez pas ça de l'orgueil? Mais certes, on ne peut nier que... Enfin, de la prétention. Mais le fait est... Faites aimer de la prétention. Chut. Oui, de la... Chut, chut, chut, chut. On a marché. Hein, qui? Oui, oui, là, au-dessus de nos têtes. Ah non, ça, je n'ai pas entendu. Mais si, on a marché. Oh, qui ose marcher au-dessus de ma tête? Oh, je ne sais pas, lustrissime. Ah, sans doute les locataires du second. Mais je ne veux pas qu'on marche au-dessus de ma tête. Je ne veux pas entendre de bruit. Mais qui sont les manants qui osent habiter au-dessus de moi? Oh, lustrissime, que dites-vous là? Ce sont des personnes tout à fait comme il faut, vous savez. Oh oui, ce sont des dames. Et même ce matin, la plus âgée de ces dames, Madame Fabia, m'a demandé quand arrivait la jeune dame. Ah. La jeune dame, c'est vous, lustrissime. Oui. Je ne sais pas, ai-je répondu. Il se peut qu'elle arrive aujourd'hui. Eh bien, m'a dit Madame Fabia, quand elle arrivera, prévenez-moi sans faute que je puisse venir lui rendre visite. Ah. Elle est déjà venue voir ma belle-sœur? Oh non, lustrissime. Madame Fabia connaît trop les usages, vous pensez. Ce n'est pas elle qui viendrait saluer une demoiselle avant une dame mariée. Bien, lorsque vous la verrez, dites-lui que si elle veut venir, je serai heureuse de la recevoir. Très bien. Oh, mais Madame Fabia est plus âgée que vous, lustrissime. Bah, et alors? Vous ne voulez pas que je lui dise plutôt que si elle ne veut pas se déranger... Mais dites-lui ce que je vous ai dit et sachez que je n'ai pas besoin de leçons de savoir-vivre. Mais que pensez-vous, cher comte, de cette souillon qui voudrait se mêler de ce qui ne la regarde pas? Mais c'est une souillon, moi? Oui, c'est vrai, j'oubliais. Mademoiselle est femme de chambre. Bon, excusez-la, ma chère amie, on lui a sans doute jamais enseigné les usages. Oh, je compte sur monsieur pour me les enseigner. Oh, l'insolente! Oh. Encore un mot comme cela et je te chasse sur l'heure. Oh, vous n'aurez pas à me chasser, je m'en irai toute seule. Tu veux t'en aller, Lucietta? Oh, madame veut me chasser, je lui ai répondu que... Bravo, madame ma belle-sœur, je vois que vous n'avez pas été longue à prendre les rênes. Est-ce là tout le compliment que vous avez à me faire, mademoiselle? Oh, ravissante, la petite belle-sœur. Que reprochez-vous donc à Lucietta, madame ma belle-sœur? Elle a manqué de respect envers ce gentilhomme. Oh, exquise amie, manquer de respect est un bien gros mot, n'est-ce pas? Cette petite a de l'esprit. Elle s'en sert un peu inconsidérément, ça je vous le concède. Mais je suis au-dessus de ces riens. Et je ne voudrais à aucun prix qu'à cause de moi, il y eût la plus petite pique entre vous, exquise amie. Et votre non moins exquise belle-sœur. Oui, vous êtes trop bon, mon cher comte. Je suis votre très humble serviteur, exquise. Amis, et je le suis aussi de mademoiselle, votre adorable belle-sœur. Non, non, bien, bien. Lucietta. Oui, oui, ne parlons plus de cela, voulez-vous? J'imagine, madame ma belle-sœur, que vous devez avoir votre propre femme de chambre, ou que, en tout cas, mon frère vous en donnera une. Certes, certes, j'ai ma femme de chambre, naturellement. Tout est donc très simple. Il y a plus d'un an que Lucietta est avec moi, je suis très satisfaite d'elle et si elle n'a pas d'autres intentions, je ne voudrais pas pour le moment me priver de ses services. Oui, gardez-la, votre perle, gardez-la. J'exige seulement qu'elle ne vienne pas se fourrer dans mes jambes. Oh, pour ça, vous pouvez y compter. Tais-toi, Lucietta, et va dans ma chambre. Bien, mademoiselle. Je vous prie de m'excuser, madame ma belle-sœur, si je ne suis pas venue plutôt vous saluer, mais j'étais en négligé. Oh, c'était vraiment pas la peine de vous mettre sur votre beau pour moi. Oh, d'autant que mademoiselle Ménéguina ne peut qu'être toujours ravissante. Oh, j'ai l'impression, ma chère, que vous avez fait la conquête du comte. Non, mais excusez amie, comment pourrait-il en être autrement? Vraiment, il n'était pas possible de réunir deux belles-sœurs plus distinguées et plus charmantes. Voulez-vous vous asseoir, mademoiselle ma belle-sœur? Franchement, non, je ne suis pas fatiguée. Et puis, mon Dieu, je n'ai pas à vous inviter à vous asseoir. Vous êtes ici, chez vous. Oui. Vous êtes trop bonne, mais je sais fort bien que je ne suis chez moi que dans ma chambre. Oh, nullement, nullement. Je vous prie de vous considérer chez vous, dans toute la maison. Votre amabilité me bouleverse. Oh, mais quel délicieux assaut de courtoisie et d'affection. Madame ma belle-sœur laisse parler son cœur et je laisse parler mais le mien. Mais quel esprit, n'est-ce pas, exquise amie, oui, quel esprit. Oui, chère, oui. Savez-vous où est votre frère? Non. Non, je ne le sais pas. Du reste, je ne le sais jamais, car voyez-vous, il ne me tient pas au courant de ses faits et gestes. Ah. Vraiment? Il ne vous raconte rien à vous, sa sœur? Rien. Tenez, je n'ai même appris qu'il allait se marier que 3 jours avant la cérémonie. Oh, cette nouvelle a dû vous faire un grand plaisir. Oh, ça va de soi. Oh, c'est tellement agréable pour une jeune fille d'avoir de la compagnie. Oui. Oh, vous savez, moi, je vis dans ma chambre. Oh. Depuis la mort de ma mère, je ne vois personne. Ah, oui, mais maintenant, cela va changer, n'est-ce pas? Madame, votre belle-sœur va vous tenir lieu de mère. Dites donc, il me semble que je suis un peu jeune pour cela. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est une façon de parler. Oui, enfin, j'ai compris, n'insistez pas. Mais dites-moi, ma chère, qui donc vous coiffe aussi bien? Ma servante? Lucietta? Ah. Oui, Lucietta. Oh, jamais je n'aurais cru qu'elle fût aussi habile. Vraiment, je serais très heureuse qu'elle me coiffât également. Oh, vous devez certainement avoir mieux. Non, franchement, non. Votre femme de chambre est plus habile que la mienne. Dorénavant, c'est elle qui me coiffera. Ah, très bien. Ma chère belle-sœur, Lucietta est une bonne fille, mais elle n'a jamais été habituée à être bousculée. Hein? Que voulez-vous dire, chère? Que je vous serais reconnaissante de faire comme si elle n'était pas là. Comment? C'est à moi que vous parlez ainsi? Votre Lucietta est payée par mon mari, et si je le veux, ma chère, elle me coiffera. Elle est à mon service et non vôtre. Mesdames, vous n'allez pas vous disputer pour une servante. Certes, non, mais je remarque simplement que pour une souillon, mademoiselle n'hésiterait pas à déplaire à sa belle-sœur. Si vous voulez que je la renvoie, dites-le, ce sera vite fait. Mais sachez, mademoiselle, que je n'aime pas les caprices, j'ai horreur des caprices. Voyons, excusez-moi. Je crains que vous ne soyez venue dans cette maison que pour me faire des affronts. Je crains que vous ne soyez aussi bête qu'insolente. Mesdames! Oh, ma mère elle-même ne m'a jamais parlé sur ce ton. Non, excusez-la, n'est-ce pas? Elle est un peu vive. Oui, je vous en prie. Mon cher comte, je n'ai besoin de des excuses de personne. Oh, pauvre de moi. Ah, mon frère, vous arrivez bien. Ah, ici. Mon mari, écoutez-moi. Vous écoutez-moi. Êtes là, mon cher comte. Deux mots, je vous en prie. Je suis à vos ordres. Mon frère, je voudrais que vous me disiez. Mon mari, j'exige. Taisez-vous, l'une et l'autre. Oh! Un peu de patience, mesdames, je suis tout de suite à vous. Monsieur le comte, je vous en prie. Mais qu'avez-vous, mon cher? Pourquoi êtes-vous si agité, n'est-ce pas? Est-ce d'avoir trouvé votre femme et votre sœur en train de se disputer? Il s'agit bien de ma femme et de ma sœur. Je suis dans une situation terrible. Mais surtout que ma femme ni ma sœur n'en sachent rien. Mais ça, vous pouvez compter sur ma discrétion. J'ai un service à vous demander. Un service de quel genre? Mais vous savez que. Écoutez, je viens de mon ancienne maison. Je m'y étais installé pour faire déménager le reste de mes affaires et de mes meubles. Et le propriétaire, parce que, paraît-il, je lui dois encore un an de loyer à faire mettre les scellés. Oh, mais voilà qui est fort désagréable. Que dites-vous? Et vous comprenez qu'il faut que je me tire de là? Oui, évidemment, évidemment. Il faut donc que vous me rendiez le service de vous porter garant pour moi. Oui, oui, évidemment, évidemment. Eh bien alors, n'est-ce pas? Je vais voir, je vais réfléchir. Non, mais il n'y a pas un instant à perdre. Oui, mais ça, je l'entends bien, mais... Entre autres choses, il y a là-bas tout mon âge de table. Oui. Et aujourd'hui, je donne à dîner. Et je ne sais comment faire. Bien, oui, évidemment, évidemment, n'est-ce pas? Je vous le répète, je vais voir, n'est-ce pas? Je vais réfléchir. Alors, mesdames, je suis votre très humble serviteur. Vous partez, quoi? Oui, oui, oui, une affaire urgente. Mais je peux compter sur vous pour dîner. Oui, sans doute, sans doute. Mesdames. Mais vous allez vous occuper de moi, n'est-ce pas? Mais je vais voir, je vais réfléchir. À tantôt, à tout à l'heure. Très humble serviteur. J'ai compris. Il va falloir que je me tourne d'un autre côté. Que dites-vous? Rien, rien. Mais où allez-vous? Où il me plaît. Anzoletto. Excusez-moi, ma chère, tout à l'heure, je serai tout à... Oh, vous voyez, mademoiselle, à cause de vous, mon mari commence à me faire des affronts. L'affront? Mais c'est à moi qu'il l'a fait, non à vous. Votre ami le comte a dû le prévenir en votre faveur. Ah, moi que ce ne soit le contraire. Que voulez-vous dire? Vous devriez avoir honte, mademoiselle. Honte de quoi, s'il vous plaît? Oh, vous êtes une hypocrite. Pas tant que vous. Mesdames, du second sont là et demandent si vous pouvez les recevoir. Qui ça? Moi? Non, vous deux. Ou elle? Ou moi? Ni elle, ni moi. Eh bien, c'est moi qui les recevrai. Instants plus tard, les dames du second, Madame Fabia et sa sœur, sont de retour chez elles et s'étonnent de l'accueil pour le moins curieux qu'elles viennent de recevoir. Que dites-vous de cet affront, ma sœur? Ces dames nous font dire de venir et quand nous sommes à leur porte, leurs servants nous déclarent qu'elles ne sont pas visibles, qu'elles ne peuvent pas nous recevoir. J'avoue n'y rien comprendre. Oh, il a certainement dû se passer quelque chose. Leur servante était tellement contente quand elle nous a dit de venir. Et tout à l'heure, lorsqu'elle nous a ouvert, on avait l'impression qu'elle ne savait pas où se mettre. Ou bien ce sont des sauvages, ou bien ce sont des arrogantes. Oh, des sauvages, je ne le crois pas. On voit bien qu'elles ont des usages. Ah oui, ça vous pouvez le dire. Il n'y a pas 15 jours que la jeune dame est mariée et elle a déjà un cavalier servant. Et la jeune fille, elle ne s'ennuie pas non plus. À en croire notre cousin, elle est toujours strictement voilée quand elle sort. Mais lorsqu'il s'agit de se laisser compter Fleurette à son balcon, elle est bien moins farouche. Oh oui, Lorenz, il m'a dit qu'il se parlait des nuits entières. Oh, les jeunes filles d'aujourd'hui. Je vous en prie, ma sœur, tâchez de ne pas les imiter, hein? Croyez-moi, de mon temps. Oui, oui, je sais. Inutile de me faire un sermon. Je ne suis pas comme ça, moi. Oui, je sais, vous êtes une bonne petite. Mais dites-moi, pourquoi croyez-vous que ces dames du premier n'ont pas voulu nous recevoir? Il se peut que ce soit parce qu'elles sont arrivées seulement aujourd'hui et que leur maison n'est pas encore rangée. Leurs ouvriers sont encore là, vous savez. Vous avez peut-être raison. Et elles ont peut-être agi ainsi par égard pour nous. Du reste, je l'avoue, nous nous sommes un peu trop pressés de descendre. Nous aurions dû attendre à demain. Mais ma curiosité de voir la jeune mariée est telle que je n'ai pas pu me retenir. Moi, je l'ai vue de la galerie quand elle est arrivée. Elle ne m'a pas semblé tellement extraordinaire. Il paraît qu'elle a beaucoup d'esprit. Oh, en tout cas, elle se donne de grands airs. Mon Dieu, comment va faire M. Anzalette pour l'entretenir dans le luxe où elle a été élevée? Ce ne sera certes pas avec la dot qu'elle lui a apportée. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Lorenzine? Elle ne lui a presque rien apporté. Et son bonnet de mari qui jette l'argent par les fenêtres. Pensez à ce qu'a dû lui coûter cette maison. Ça fait 2 mois que les ouvriers sont après. Et ils n'ont même pas de jolis meubles. Non, mais vous avez vu cette glace avec un cadre noir? Oh, une vieillerie. Et ces fauteuils en cuir de vache? Ils doivent lui venir de son trisaïel. Ils vont dépenser une fortune en peinture, en menuiserie, en serrurerie, et ils n'auront même pas une pièce meublée avec bon goût. Pouvons-nous décemment retourner chez elle après l'affront qu'elles nous ont fait? C'est délicat. Mais nous devons faire un effort. Après tout, ce sont nos voisines. Mmh. Et Lorenzine nous a bien recommandé de parler à la jeune fille. Le pauvre enfant. Cette petite lui fait perdre le boire et le manger. Qu'allez-vous dire à Mademoiselle Meneghina? Je ne sais pas. Ce n'est pas un parti pour notre cousin. Pourquoi? Mais parce qu'il paraît que son frère ne pourra pas lui donner de dot. Oh, et pourtant, Lorenzine l'aime à la folie. L'amour ne fait pas bouillir la marmite, ma chère Rosina. Et votre cousin n'a pas le sou, lui non plus. Oh, on frappe à la porte d'en bas. Tony va y aller. Il est parti faire des commissions. J'y vais? Oui, mais ne vous faites pas voir. Oh, nous habitons si haut. Qui voulez-vous qui nous voit sur la galerie? Oh, j'ai hâte que mon mari rentre à Venise. Il faut vraiment qu'il songe à marier cette petite. C'est encore une enfant, mais à entendre parler d'amour de tous côtés. Vous savez qui était en bas? Non, qui? La servante de ces dames du premier. Oh, vous lui avez dit de monter? Bien sûr. Vous avez bien fait. Nous allons peut-être savoir le mot de l'énigme. Ne m'en doutez pas. Laissez-moi l'interroger. Je lui tirerai bien quelque chose. La voici. Entrez, ma fille, entrez. Mesdames, illustrissime dame. Qu'y a-t-il, ma fille? Ce sont vos patronnes qui vous envoient. C'est ma patronne, illustrissime, la jeune demoiselle. Mademoiselle Meneghina? Oui, illustrissime. J'ignore si vous le savez, mais moi je ne suis pas au service de la jeune dame, je suis à celui de la jeune demoiselle. Ah. Il y a un bon bout de temps que je suis à elle et je me suis attachée à elle. Mm-hmm. Et il se peut que je reste avec elle, mais si je devais servir la jeune dame, je jure, foi de pauvre fille, que je ne resterai pas une heure. Vraiment? Mais comment est-elle donc, cette jeune dame? Je ne sais que vous dire, illustrissime, vous comprenez, moi je ne suis pas de celle qui bavarde. Quand je ne peux pas dire de bien de quelqu'un, je me tais. Et puis la jeune dame, je ne l'ai vue qu'en passant, mais ça m'a suffi. Elle est donc très arrogante. Oh, avec moi, avec sa belle-sœur, ça oui. Mais elle ne l'est pas avec tout le monde. Oh non. Voyez-vous, il y a un certain monsieur le comte. Ah, il suffit, il y a une jeune fille. Oh, vous savez, monsieur le comte, je crois que c'est en tout bien tout honneur. Madame n'est mariée que depuis 15 jours. Bien, bien. Mais dites-moi, ma chère, qu'est-ce qui nous a valu ce bel accueil? Oh, ma jeune maîtresse n'y est pour rien. C'est madame qui est cause de tout. La jeune dame? Oui. Figurez-vous, oh, vous allez en mourir de rire. Ah. Figurez-vous que madame, lorsqu'elle a cru que votre visite était pour elle seule, a dit oui tout de suite. Ah, oui. Mais lorsqu'elle a su qu'elle était aussi pour sa belle-sœur, elle s'est mise en colère et n'a plus voulu vous recevoir. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est inimaginable. Et ma jeune maîtresse s'est piquée, elle aussi. Mon Dieu, quelle histoire. Ah, mais c'est ma jeune maîtresse qui m'envoie maintenant vous faire tous ses compliments, vous demander de l'excuser. Oh, et vous dire que si vous le voulez bien, c'est elle qui viendra vous présenter cette voix. Oh non, non, je ne voudrais pas qu'elle se dérange. Oh si, Fabien, laissez-la venir. Oh vraiment, lustrissime, ma jeune maîtresse est tellement désolée. Écoutez, si elle fait cela par cérémonie, dites-lui que ce n'est pas nécessaire, que nous ne faisons pas attention à ce genre de choses. Mais si c'est une visite d'amitié, dites-lui qu'elle peut venir quand il lui plaira. Oh, merci, lustrissime, merci pour elle. Ah, vous verrez, ce n'est pas pour dire, mais ma jeune maîtresse est vraiment quelqu'un de très bien. Il est visible que vous avez beaucoup d'affection pour elle. Oh, je l'aime comme si elle était ma sœur. Eh bien, il est rare de trouver une servante qui dise du bien de sa patronne. Ah, ça? Toutes plus ou moins, elles ont toujours quelque chose à critiquer. Oh, avec moi, il n'y a pas de danger, je suis incapable de dire du mal de quelqu'un. Oh. Quel âge a votre patronne? Oh, elle est toute jeune, je ne crois pas qu'elle ait 17 ans. Oh, vous allez un peu loin, en voulant encore la rajeunir à son âge. Ah oui, ça? Et vous croyez qu'elle a plus de 17 ans? Il est visible qu'elle en a au moins 20. Oh, moi je m'en tiens à ce qu'elle m'a dit, si elle se rajeunit, c'est son affaire. Elle a un amoureux? Ah oui, ah oui, mais c'est quelqu'un de très bien. Ah. Vous connaissez mon cousin? Votre cousin, lustrissime? Monsieur Lorenzing Bigoletti. Oh, si je le connais! Mais voyons, Fabia, vous savez bien qu'elle le connaît. Ah, tout à fait en secret. C'est lui, l'amoureux de ma jeune maîtresse. Vraiment? Mmh. Oh, elle doit être bien ennuyée d'avoir changé de maison. Oh, pour ça, oui, elle est désespérée. Ils se parlaient souvent? Ils se parlaient? Oh, des nuits entières. Ça n'est pas très décent. Ah, ça, vous pouvez le dire. Mais ils ne faisaient que se parler, vous comprenez. Il y avait la rue entre eux. Mais comment va-t-elle faire maintenant? Monsieur Lorenzine est votre cousin, n'est-ce pas, lustrissime? Oui, et c'est même un peu comme un fils pour moi. Ah, ben, il pourrait peut-être se rencontrer chez vous. Oh! Oh, je m'étonne que vous ayez le front de me proposer une telle chose. Oh, comme c'est pour le bon motif, je me disais... Ce genre d'intrigue n'est pas mon fait. Je vous demande pardon. Je vous pardonne. Voyons, votre jeune maîtresse n'est pas ce qu'on appelle un bon parti. Mmh. Ah, vous avez raison, lustrissime, en vérité. Vous avez raison, je ne crois pas que ce soit un bon parti. Oh non, non, elle n'a pas non. de dot, la pauvre. Elle n'est pas aussi jeune qu'on le dit. Bah, Son père était crémier. Oh. Son oncle vendait des saucissons. Oh. On leur donne de l'illustrissime parce qu'ils vivent de leur rente. Mais comme dit le proverbe, vivre de ses rentes, c'est vivre en se serrant la ceinture. Oh, ça, alors, c'est vrai. Oh, mais je bavarde, je bavarde. Excusez-moi, illustrissime dame. Je vais dire à ma jeune maîtresse qu'elle vienne vous voir. Je suis votre servante, mesdames. Au revoir, au revoir. Que dites-vous de cette cancanière, Rosina? Oh, et elle prétend aimer sa maîtresse? Bah, elle l'aime à sa manière. Oh, pourquoi lui avez-vous dit que vous ne vouliez pas vous entremettre pour notre cousin? Mais oui, j'allais lui dire que je n'étais pas absolument ennemie de la chose pour qu'elle aille ensuite le raconter dans tout Venise. Oh, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cela. Moi, ma chère enfant, je pense à tout. Il y a quelqu'un? Oh, Fabien, voyez qui vient là. Oh, Lorenzine, entrez, entrez, Lorenzine. Mesdames, mes cousines, je vous salue. Illustrissime cousin, je suis votre humble servant. Oh, que des cérémonies. Vous avez bien dormi cette nuit, mon cousin? Non. Ou à partir de demain, vous dormirez mieux, car vous n'aurez plus de sujet de dérangement. Maudite soit cette maison. Que vous a fait ma maison? Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Elle devrait vous être chère, au contraire, maintenant qu'elle abrite celle que vous aimez. Vous voulez dire qu'elle me la cache? Oh. Si je savais seulement quelle est la fenêtre de Meneghina. Mais non, non, il y a 3 heures que je tourne comme un fou. Je suis presque enroué à force de tousser et je n'ai même pas réussi à l'apercevoir. Vous êtes fatigué en pure perte. La chambre de Mademoiselle Meneghina donne sur une cour où ne passe jamais personne. Et vous voudriez que je ne maudisse pas cette maison et ce frère extravagant qui paie 60 ducats de loyer de plus pour loger sa sœur dans un placard. Oh. Avec quoi du reste le paiera-t-il son loyer? Avec la dot de sa femme? Monsieur Anzoletto est vraiment dans une situation aussi embarrassée? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 2 mois qu'il a loué l'appartement du dessous et qu'il n'a pas encore payé les 6 mois d'avance. Oh. Oh. Et vous rêvez d'épouser sa sœur? Oh. Elle m'a dit que son oncle la doterait. Oui, mais cet oncle est fâché avec son neveu. Cela ne veut pas dire qu'il le soit avec sa nièce. Mon cher Lorenzine, réfléchissez bien avant de vous engager. Vous ne roulez pas sur l'or, vous non plus. Il suffirait qu'elle ait 2 ou 3 000 ducats de dot. Je m'achèterais une charge et avec le peu que j'ai, nous vivrions très bien. Oh, à la condition que vous soyez moins généreux avec votre femme que ne l'est Monsieur Anzoletto avec la sienne. Ah oui, comment alors cela? Si vous voyez Madame Anzoletto Argani... Des paniers, mon cher, à ne pas passer par cette porte. Une robe magnifique. Ça m'a eu l'air d'être du drap d'or. Oh, il n'y a pas de doute. Et des perles, la profusion. Quant à sa coiffure, je ne vous en dis rien. Les cheveux du dernier blond. Et des diamants, des diamants. Ah non, non, du verre de Murano. Oh, vous croyez? Ça, j'en suis sûre. Oh, elle brillait tellement. Pour ce qui est de briller, les yeux du chat brillent aussi. Et elle, Meneghina, vous l'avez vue? Aperçue. Qu'en pensez-vous? Elle est gentille. Oui, après tout ce que vous nous en avez dit, je m'attendais à mieux. Comment? Elle est grande. Oui, mais n'est pas très bien faite. Le fait est... Vous ne l'avez pas bien regardée? Nous ne sommes pas aveugles. Ah non! Où l'avez-vous vue? À sa fenêtre. Mm-hmm. À sa fenêtre? Mm-hmm. D'où cela? L'une des fenêtres du petit salon est juste en face de celle de sa chambre. Oui. Oh, cousine, chère cousine, permettez-moi d'aller faire un tour au petit salon. À aucun prix. Comment, cousine? Vous qui m'aviez promis de faire tout ce que vous pourriez pour moi, vous me refusez maintenant l'accès de votre petit salon? Allons, allons, mon cher enfant, comprenons-nous bien. Que je parle à Mademoiselle Meneghina, c'est une chose. Mais que je vous laisse aller faire le joli cœur à la fenêtre de mon petit salon, c'en est une autre. Personne ne me verra. Je vous jure que personne ne me verra. Mais si vous vous mettez à la fenêtre, il faudra bien qu'on vous voie. Je resterai en deçà de la fenêtre. Les gens d'en face vous verront. Je fermerai à demi les volets. Oh, je vous en prie, Fabien. Laissez-le aller au petit salon. Rien qu'un petit instant. Oui. Ah, mon pauvre Lorenzing, vous êtes vraiment bien atteint. Enfin, allez, allez là-bas. Mais soyez raisonnable, hein, ne perdez pas la tête. Merci, cousine. Merci. Oh. Fabien, est-ce que je peux y aller un petit peu, moi aussi? Pourquoi faire? Écouter un peu ce qu'ils vont se dire. Eh bien, c'est du joli, mais voulez-vous bien rester ici? Bon. Oh, puisque vous ne voulez pas que j'y aille, je n'insiste pas. J'aurais aimé savoir si Mademoiselle Meneghina s'exprime bien. Vous pourrez vous en rendre compte lorsqu'elle viendra nous voir. Oh, si elle vient. Chut. Il me semble entendre parler dans le vestibule. Oh, vous avez raison. Je vais voir. Ne vous montrez pas. Non, non, ne craignez rien. Fabien, je crois que c'est Mademoiselle Meneghina. Vous n'en êtes pas sûre? Mais je n'ai pas pu voir. Vous m'avez dit de ne pas me montrer. Voilà Tony qui va nous renseigner. Oui. Illustrissime, cette dame qui vient tout juste de s'installer à l'étage en dessous demande si elle peut vous saluer. C'est la jeune dame ou la jeune demoiselle? Ah, je ne sais pas, illustrissime, je ne les connais encore ni l'une ni l'autre. Elle a une robe à panier? Non, illustrissime. Ah, alors ce doit être la jeune demoiselle. Priez-la de bien vouloir entrer. Bien, illustrissime. Lorenzine peut toujours attendre qu'elle paraisse à sa fenêtre. Heureusement que le petit salon est loin d'ici. Pourquoi? Je ne voudrais pas qu'il se rencontre chez moi. Et s'il vient ici? Il ne viendra pas avant d'avoir... Mesdames, illustrissime dame. Illustrissime. Excusez la liberté que j'ai prise. Non, non, c'est vous, au contraire, qui nous faites la politesse. La grande politesse. Oh oui, nous avions une telle envie de faire votre connaissance. Nous sommes si proches voisines que si vous me le permettez, je viendrai parfois vous déranger. Oh. Nous déranger? Mais vous êtes ici chez vous, ma chère. Mais nous aussi, nous viendrons vous voir chez vous. Chez moi? Oh. Si vous saviez. Ah? Enfin, je vous raconterai ça plus tard. Voulez-vous vous asseoir? Si vous le désirez. Mais je vous en prie. Vous êtes contente de votre nouvelle maison? Ma foi, je ne le suis guère. Ah. Elle ne vous plaît pas? Oh, en tant que maison, elle n'est pas mal, mais... Elle a de terribles inconvénients. Ah oui. Tel par exemple que la fenêtre de votre chambre. Oui. Ou plutôt la vue que l'on a de cette fenêtre, une cour noire et sale. Et pourtant, il se pourrait que cette vue vous déplût moins parfois. Oh, mais c'est impossible, chère madame. Je crois que si vous étiez maintenant à votre fenêtre, la vue que vous en auriez vous plairait. Sans doute parce qu'à midi, le soleil donne tout de même un peu dans la cour. Hein. Ma sœur veut dire qu'en ce moment, la fenêtre en face de la vôtre vous semblerait tout illuminée. Oui. J'ai horreur de la réverbération. Mais qui vous parle de réverbération? Le soleil lui-même est à la fenêtre qui est en face de la vôtre. Eh oui. Oh, je crois que vous êtes en train de me taquiner. Dans votre ancienne maison, n'aviez-vous pas un soleil qui vous faisait vis-à-vis et brillait à toute heure du jour et de la nuit? Oh oui, vous me taquinez, vous me faites rire, bien que je n'en ai guère envie. Dites-moi, mademoiselle Meneghina, Lucietta ne vous a rien dit? À quel sujet? Au sujet d'un de nos cousins. Non, ne m'a rien dit. Est-ce que vous le connaissez, ce cousin à nous? Non, je ne crois pas. Qui est-ce? Un certain Lorenzin. Bigoletti? Bigoletti. Oh, vraiment, c'est votre cousin? Mais oui. Oh, et vous savez? Nous savons tout. Oh, hélas. Ah, quel vilain appartement que celui du premier. Oh, affreux. Et ces fenêtres d'où l'on ne voit rien. Oh, non. Et cette sinistre cour. On ne voit jamais le soleil. Tandis que là-bas... Oh, écoutez, maintenant je commence à avoir vaguement l'espoir de le voir parfois ici aussi. Vraiment? Qui m'eût dit qu'il m'était réservé d'avoir le bonheur de faire la connaissance de deux personnes aussi accomplies. Et qui plus est, cousine de Monsieur Lorenzi. Ah. J'ai vraiment beaucoup de chance. Que diriez-vous si mon cousin choisissez le moment où vous êtes là pour venir nous rendre visite. Oh, madame! Ah oui, j'ai comme une idée que Lorenzine n'est pas très loin. Vous croyez? Votre cœur ne vous dit rien. Oh, mon cœur me dit que si monsieur Lorenzine venait, je le verrais volontiers. Ah! Moi, je crois que si vous étiez chez vous en ce moment, vous le verriez. Où ça? De la fenêtre de votre chambre. Vous vous moquez de moi et vous avez raison. Mais non, je ne me moque pas de vous. Vraiment? Vous verriez volontiers, mon cousin? Oh! Maintenant, vous êtes cruelle. Rosine, regardez s'il n'y a personne et voyez si, par hasard, vous ne trouvez pas Monsieur Lorenzin. Oui. Oh, si c'était possible! Ah oui, j'ai idée que du côté du petit salon... Illustrissime, l'autre dame du premier, la jeune dame, envoie demander si vous lui permettez de venir vous présenter ses respects. Qu'elle vienne, si elle le désire. Bien, illustrissime. Maudite soit-elle! Oh. La venue de madame, votre belle-sœur, vous déplaît? Pour vous dire toute la vérité, nous ne nous entendons pas du tout. Ah? Je parierais ma tête qu'elle vient uniquement pour me faire enrager. Mais pourquoi donc? On ne peut pas tout vous raconter maintenant, mais ce n'est que partie remise. Ah? Mais ne deviez-vous pas aller voir si par hasard vous ne trouviez pas Monsieur Lorenzin? Oui, mais votre belle-sœur va être là d'un instant à l'autre. Si je savais comment l'éviter. Oh, accordez-moi une grâce. Vite. Tant que ma belle-sœur sera là, permettez-moi d'aller dans une autre pièce. Où ça? Oh, je ne sais pas moi, dans votre petit salon. Dans mon petit salon, hein, voyez-vous ça. Se réfugier au petit salon. Oui, oui. J'y serais mal? Oh non, au contraire, vous y seriez très bien. Alors, laissez-moi y aller. Oh non, non, pas question, je vous expliquerai. Envoyez au moins voir si l'on peut trouver Monsieur Lorenzi. Oui, oui, tout à l'heure. Je vais m'en occuper. Tony? Illustrissime. Cette dame vient. Elle monte l'escalier. Écoutez. Allez au petit salon et dites à Monsieur Lorenzin de partir. S'il ne sait pas que Mademoiselle Meneghina est là, ne lui dites rien. Et s'il le sait, dites-lui de partir. Que la belle-sœur de Mademoiselle Meneghina va venir et que je ne voudrais pas qu'il la rencontre. Vous avez compris? Oui, illustrissime. Vous l'avez envoyé chercher? Oui. Mais, et ma belle-sœur? Tant que votre belle-sœur sera là, il ne viendra pas. Oh oui, c'est préférable. Et puis, madame, votre belle-sœur connaît-elle l'existence de Lorenzin? Oh, je ne crois pas si mon frère... Je vous remercie, madame ma Lorenzine. Cousine. Ah non, allez-vous-en d'ici, vous. Me faire rester une heure, le cou tendu à me geler. Allez-vous-en. Oui, alors que... Allez-vous-en, vous voulez donc provoquer une catastrophe. Où étiez-vous? Au petit salon, dans l'espoir de vous voir à votre fenêtre. Oui. Et vous étiez là tout le temps. Oh, je vous remercie beaucoup, madame Fabia. Je voulais vous faire un peu languir. Si votre belle-sœur n'était pas venue. En tout cas, moi, je ne bouge pas d'ici. Ah non, je vous ordonne de vous en aller. Impossible, je suis clouée au sol. Oh, madame Fabia, ayez pitié de lui. Oh, s'il descend l'escalier, il va rencontrer madame Cecilia. Tout cela, c'est parce que je vous ai écouté, Lorenzin. Mais je ne recommencerai plus. Retournez au petit salon et n'en bougez pas. Bien, Fabia, bien, je vous obéis. Mais ne laissez pas partir Mademoiselle Meneghina avant que je lui dise deux mots. Oh, je verrai. Allez. Chère Meneghina, si vous m'aimez, attendez-moi. Oui, vite, voyons, vite. Je m'en vais. Pauvre la Lorenzine. Il m'a presque fait de la peine. Et moi donc? En tout cas, c'est bien la dernière fois que je me prête à une pareille... La voilà. Oui, voilà madame la princesse. Votre très humble servante, illustrissime dame. Illustrissime. Je vous salue humblement. Votre servante, ma belle-sœur. C'est moi qui suis la vôtre. Mesdames, si je suis ici, c'est pour avoir l'honneur de faire votre connaissance. Oh. Et vous remercier de celui que vous avez voulu me faire en prenant le dérangement de venir chez moi. Et vous prier de m'excuser si j'ai dû me priver du plaisir de vous recevoir. Je vous en prie, ma chère, ne m'accablez pas de tant de cérémonies. Moi, je suis une femme toute simple. Et s'il est la moindre chose en quoi je puisse vous être utile, disposez de moi librement. Nous sommes voisines, il faut que nous soyons bonnes amies. Quant à moi, je suis votre servante. Oh, je suis émue aux larmes. Elle s'y entend, Salamalek. Certes, elle est un petit peu affectée. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, je vous en prie après vous, chère. Non, je n'en ferai rien. Et puis alors, asseyons-nous tous. Voilà, pardon. Eh bien, ma chère belle-sœur, j'ai un petit reproche à vous faire. Vraiment? Oui, vous auriez bien pu me prévenir quand vous êtes montée présenter vos respects à ces dames. Vous voulez donc faire croire que je n'ai aucun usage? Excusez-moi, ma chère, mais je ne tenais pas à m'entendre dire une fois de plus, ou elle, ou moi. Oh, je ne saisis pas très bien. Ne faites attention. Ma belle-sœur et moi passons notre temps à nous taquiner. Oh, c'est une taquinerie. Vous vous aimez beaucoup. Oh, nous adorons. Cela se voit. C'est une vraie sœur pour moi. Oh, c'est gentil. Vous vous plaisez dans votre nouvelle maison? Eh bien, très sincèrement, elle ne me déplaît pas, mais je ne puis oublier celle où je vivais avant. Ah. C'est tout comme moi. Oh, voyons, ma chère, votre ancienne maison n'était finalement qu'une bicoque. Oh. Tandis que la mienne, celle où je suis née, où j'ai grandi, elle n'a pas son pareil. Ah. Ce n'est pas pour dire, mais c'était une maison digne d'un prince. Ah. Nous étions quatre frères et sœurs. Eh bien, chacun de nous avait son appartement, ses gens, sa condole. Ici, ce n'est pas mal, non, ce n'est pas mal, mais quand on a été habitué, enfin, comme moi, je ne sais si vous me comprenez. Si, je vous comprends très bien. Et ce n'est qu'un commencement. Oh, je m'amuse follement. Oh, vous avez une bien belle robe. Et de si bon goût. Ça? Mais c'est une toute petite robe que j'avais quand j'étais jeune fille. Oh, vous étiez habillée ainsi quand vous étiez jeune fille? Mais bien sûr, de nos jours mariés ou pas, les femmes portent les mêmes robes. Oh, cela dépend des familles. Dans la nôtre, en tout cas. Oh, dans la mienne aussi. Il me semble que moi, je suis habillée avec un peu plus de... Un peu plus de quoi? De simplicité. Faute de mieux. Qu'entendez-vous par là? Mais que pour avoir de belles robes, il faut avoir les moyens, ma chère. Très juste. Et moi, je ne les ai pas, ces moyens. Mais même voilà. Si je les avais, oh, je ne gaspillerais pas mon argent en robes, en gondoles et en colifichets. Je les mettrais de côté pour me constituer une dot. Eh bien. Afin que l'on ne puisse pas dire ensuite que je me suis mariée sans un sou. Oh, très sage. Ma chère, vous avez de très sages principes. Mais dites-moi, chère madame, sortez-vous beaucoup? Allez-vous au théâtre? Oui. Quand mon mari est à Venise, nous allons une ou deux fois par semaine à l'opéra ou à la comédie. Mais en ce moment, comme il est absent, nous restons à la maison. J'ai une loge dans tous les théâtres à votre disposition. Oh, et si vous le voulez, je vous prêterai même ma gondole. Je vous remercie, mais quand mon mari n'est pas là, je ne vais vraiment nulle part. Et quand il est là, vous l'amenez toujours avec vous? Si tel est son beau plaisir. Oh, ainsi on ne peut pas aller à la comédie sans son mari? C'est du moins ce que je pense. Moi, j'estime qu'il faut avoir pitié de son mari et lui laisser faire de temps en temps un peu ce qu'il veut. Non? C'est pourquoi elle est déjà cavalier servant. Et votre frère ne dit rien? Parce que ça servirait. Et que faites-vous quand vous restez à la maison? Vous jouez aux cartes? Oui, parfois nous jouons pour nous amuser à la bataille, au ninjou. Oh, moi, je n'aime que le pharaon. Ah. Mais j'y joue pour rire, vous savez. Des petits bancos de 8 ou 10 quins, pas plus. Descendez donc chez moi ce soir. Ce n'est pas pour dire, mais vous verrez, nous n'avons que des personnes très distinguées. Nous ne sommes jamais moins de 14 ou 16. Et nous soupons tous les soirs un beau poisson, des truffes ou quelques poulets. Je le dis sans modestie aucune, je suis assez fière de ma cave. N'est-ce pas un peu dispendieux? Oh, il faut bien tenir son rang, ma chère. Oui. Maintenant que son frère est marié, Mademoiselle Meneghina va pouvoir s'amuser un peu, elle aussi. Oh, moi? Je reste dans ma chambre. Ça, je crains que vous n'y restiez pas aussi volontiers que dans votre ancienne maison. Que voulez-vous dire? Vous croyez donc que je ne suis pas au courant? Je ne comprends pas. Et mon mari me raconte tout, ma chère. Je me demande bien ce qu'il a pu vous raconter. Ne me forcez pas à vous le dire. Je suis une fille à marier. J'ai bien le droit de chercher à me caser honorablement. Chère Madame Cécilia, on ne peut reprocher à une jeune fille de songer au mariage. Et si elle se laisse un peu faire la cour, nous devons l'excuser, car nous en avons fait autant, vous et moi. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais au moins qu'elle choisisse un amoureux convenable. Madame ma belle-sœur. Mais il n'y a pas de Madame ma belle-sœur qui tienne. Mon mari m'a raconté que vous faisiez les yeux doux à un... Pas grand-chose, moins que rien. Oh oui, chère Madame Fabien, il paraît que c'est un certain Lorenzine Bigoletti, un garçon qui n'a ni métier, ni argent, et qui est surtout d'une famille fort peu reluisante. Vraiment? Oui, puisque je vous le dis. Et vous pensez si une femme de mon rang pourrait souffrir une alliance de cette sorte? C'est vraiment... Vous l'entendez? Si Lorenzine écoute, car... Vous le connaissez, ce Lorenzine Bigoletti? Non, à proprement parler, non. Mais je ne le connais même pas de vue, mais j'en sais assez sur lui pour vous dire qu'il n'est pas digne de la sœur de mon mari. Eh bien, moi, je le connais. Ah oui? Oui, et certes, il n'est pas riche, mais c'est un garçon de très bonne famille. D'une famille, en tout cas, où il n'y a jamais eu de boutiquier. De boutiquier? Oui. Mais que voulez-vous dire, chère madame, si c'est de ma famille que vous parlez? Oh, loin de moi, une telle Alors, pensée. Je ne comprends pas. Ne réveillons pas le sac qui dort. Mais permettez-moi de m'étonner qu'un tel maraud vous tienne tant à cœur. Un maraud, non, madame, non. Un garçon très distingué, qui de plus est mon cousin. Ah, votre cousin? Oui, madame, oui. Notre cousin. Et qui vaut mieux que beaucoup de vos gens de qualité. Bien répondu. Ah, je comprends maintenant la raison de vos amabilités et votre hâte à venir me rendre visite. Vous avez trouvé une belle entremetteuse, madame ma belle-sœur. Est-ce de moi, madame, que vous voulez parler? Mais oui, madame, c'est de vous. C'est la première fois que je vous rends visite, mais croyez bien que c'est aussi la dernière. Croyez bien que je le souhaite sincèrement, madame. Madame, je vous salue. Quant à vous, mademoiselle ma belle-sœur, je suppose que vous vous trouvez fort bien ici. Oh, très bien. Et je suppose également qu'il est inutile que je vous dise de rentrer à la maison avec moi. Tout à fait inutile. Je vous ferai donc dire par quelqu'un à qui vous serez obligé d'obéir. Au revoir, mademoiselle ma belle-sœur. Je ne sais vraiment comment j'ai fait pour me retenir. Si elle n'avait pas été chez moi, je vous jure que la chose ne se serait pas passée ainsi. Non. Oh là là. Ma cousine, si je me suis tue, c'est uniquement à cause de vous. Mais je ne souffrirai pas que l'on m'insulte ainsi. Vous avez tout entendu? Je ne suis pas sourd. Oh, chère Lorenzine, je suis... Maintenant, mademoiselle Meneghida, ayez la bonté de rentrer chez vous. Mais madame... C'est la première fois qu'un tel esplendre se produit chez moi, mais c'est bien la dernière. Mais elle n'y est pour rien. Et vous aussi, mon cousin, faites-moi le plaisir de partir. Mais je pars et je m'en vais de ce pas trouver monsieur Anzoletto. Et je vous fiche mon billet qu'il me rendra raison. Oh, pauvre de moi. Mais êtes-vous fou, Lorenzine? Qu'est-ce que c'est que ce langage, Lorenzine? Ah, je suis un pas grand-chose. Je suis un propre à rien, on va voir. Oh, un verre d'eau. Oh, un verre d'eau, je vous en supplie, je défaille. Oui, tout de suite. Quant à elle aussi, je vais lui dire son fait. Oh, restez, je vous en prie. Venez ici, Lorenzine. Non, laissez-moi. Non, écoutez. Écoutez-moi. Ma chère cousine, je suis un garçon patient, mais tout de même... Oh, madame Fabien, essayez de le calmer. Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas, moi, permettez-lui de rester encore un peu avec nous. Si vous me renvoyez, je suis prête. Bien. Mais vous allez vous asseoir là et vous ne direz plus un mot. Mais ma cousine... Oh, regardez-moi, chère Lorenzine. Mais passez le verre d'eau. Mais que voulez-vous que je fasse d'un verre d'eau? Oui, que voulez-vous qu'elle fasse d'un verre d'eau? Mais je crois... Taisez-vous. Oh. Écoutez, mademoiselle Meneghina. Oui. Il faut que nous parlions net. Oui. Vous voulez épouser mon cousin? Oh oui. Oui, mais vous n'avez pas de dot. Qu'importe-je? Taisez-vous. Oh, si je pouvais parler à mon oncle, lui peut-être. Pourquoi n'allez-vous pas le voir? Oh, mon frère ne me le pardonnerait jamais. Et si je l'envoyais chercher? Vous le connaissez? C'est un ami de mon mari. Eh bien, alors vite, envoyez-le chercher. Il y a une condition, c'est que vous retourniez sans plus tarder chez vous. Vous lui parlerez? Oui, et maintenant, partez. Oui, tout de suite. Oh, comment vous remercier? Je ne sais plus ce que je dis. Au revoir, Lorenzine. Au revoir, mesdames. Oh, eh bien, mon cousin, j'ai l'impression qu'on vous aime plutôt. Oh, Rosina, si vous saviez. Assez de discours. Lorenzine, vous allez courir chez Monsieur Cristofol. J'y vole. Vous savez où il habite? Oh, je pense bien. Eh bien, je suis tout étourdi. Et moi, j'ai la tête qui éclate. Oh, l'amour. Ah, l'amour. Comment? Oh, rien, ma chère sœur, rien. Oh. Le silence règne au premier étage. Sans doute, maître Sgualdo et ses hommes sont-ils en train de goûter un repos bien gagné? Et voici M. Anzoletto, qui rentre, l'heure plutôt morne, ma foi. Pas moyen de faire lever ces CD. Personne ne veut me prêter un sou, personne ne veut se porter garant pour moi, et tout le monde me tourne le dos. Comment vais-je m'en tirer? Je suis criblé de dettes. J'ai tous les corps de métier dans ma maison. Je suis affublé d'une femme qui ruinerait Crésus lui-même. Oh, si je n'étais pas brouillé avec mon oncle. Mais maintenant que je suis marié, il ne me donnerait pas même un verre d'eau si je mourais de soif. Quel imbécile j'ai été de me marier 15 jours seulement et je le regrette déjà. Qui eût dit? Illustrissime! Hein? Oui, plus tard, Sgualdo, plus tard! Je viens chercher mon argent. Mais n'avions-nous pas convenu que je vous le donnerais demain? Si, si, si, si, je sais bien, mais mes hommes ne sont pas d'accord. Mais avant que je vous paie, il faudrait d'abord que vous ayez fait ce que je vous ai dit. Oh. Cette pièce est dans le même état que tout à l'heure. Où est le lit? Qu'attendez-vous pour la porter ici? On m'a dit de ne rien changer. Quel est l'imbécile? C'est madame votre épouse, illustrissime. Oh, dans ce cas-là, je n'ai plus rien à dire. Il faut que vous me régliez ces factures. Demain, demain, sans faux. Mes hommes refusent d'attendre. Ah, ils refusent. Eh bien, c'est des coups de bâton qu'ils vont recevoir. Je ne vous le conseille pas. Des menaces, maintenant? Oh, non, illustrissime, un avertissement. Allons, avant ce soir, vous serez payé. Vous me donnez votre parole? Oui. Bon, mais je vous préviens que si nous ne sommes pas payés ce soir, nous ne bougeons pas de là. Oh, d'ici que je sois obligé de coucher dehors. Si du moins j'avais mes affaires, je pourrais contracter un emprunt. On peut entrer. Que désirez-vous, monsieur? Je désirerais parler à l'illustrissime monsieur Anzoletto Argagni. C'est moi-même, que voulez-vous? Je salue très humblement votre illustrissime signorie de la part de l'illustrissime comte Semolini, mon maître. Lequel m'a dit de dire à votre illustrissime signorie qu'il y a 2 mois qu'elle lui a loué cet appartement. Oui. Que cela fait 6 fois et même 7 avec celle-ci, qu'il envoie encaisser le semestre d'avance, et qu'il prie votre illustrissime seigneurie de payer le 10 semestres sur le champ. Faute de quoi, et que votre illustrissime seigneurie ne le prenne pas mal, il sera obligé de prendre contre votre illustrissime seigneurie toutes les mesures protectives que de droit. Oh, monsieur, vous me voyez là, vrai. Si je n'ai pas encore payé, il faut en accuser seulement mon étourderie. Oh, je ne songeais certes pas à accuser votre illustrissime seigneurie. Vous pouvez dire à votre maître que demain, il sera payé. Que votre illustrissime seigneurie m'excuse, mais combien y a-t-il pour elle de jours dans le mois qui se nomme demain? Je vous dispense de vos réflexions. Venez demain et je vous paierai. Illustrissime. Illustrissime vous-même, j'ai dit demain et ça sera demain. Bien, bien, bien. Mais je vous garantis que ce demain-là n'aura pas de lendemain. L'insolent. Oh, j'aurais eu plaisir à lui jeter à la figure son semestre d'avance. Oh, illustrissime, vous êtes enfin de retour. Oui, qu'est-ce que tu me veux, toi? Quand est-ce que les déménageurs arrivent? J'attends le linge de table. Ils vont arriver, ne m'importune pas. Mais illustrissime, ça va bientôt être l'heure du dîner. Oui, et après? Mais comment voulez-vous que nous mettions la table si les nappes ne sont pas là? Je ne sais pas, moi, débrouille-toi. Ah, c'est facile à dire. Tu n'as qu'à mettre un drap. Oh! Ah, je vois ce que c'est, monsieur veut se moquer de moi. Mais je ne me laisserai pas faire, je m'en vais. Oui, eh bien, attends. Qu'est-ce qui te retient? Payez-moi d'abord les 7 mois que vous me devez. Tout de suite, tout de suite. Ou du moins, quand tu me les demanderas avec moins d'insolence. Mais monsieur! Déguerpis, ou sinon! Oh! Oh, quelle maison! Ah oui, quelle maison! Ah, vous êtes là, monsieur mon mari, j'ai de belles choses à vous apprendre. C'est quoi, quoi? Qu'y a-t-il encore? C'est une pimbèche et une dévergondée. Oh! Ah, vous n'êtes pas mon frère! Sachez que votre femme est une chippie! Oh! Ah, c'est bien ça que c'est à choisir, elle ou moi. Vous n'allez pas mon frère, de quel poids je me chauffe! Oh, oh, oh, oh! Ah, oh, quelle maison, quelle maison! Me voici, mon cher ami. J'espère que je ne suis pas en retard pour le dîner. Oh, fou! Allez, sur le tas! Oh, fâcheux, fâcheux. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille dîner à la table d'hôte. La discrète Lucietta s'est précipitée au second pour faire à Madame Fabia et à Mademoiselle Rosine un rapport circonstancié sur les malheurs qui accablent ce pauvre monsieur Anzoletto. Et ces dames, tout en se défendant d'être curieuses, ne l'ont pas moins écoutée avec le plus grand intérêt. Mais voici que Tony vient interrompre ses confidences. Et vous pensez bien que si ce n'était pas pour mademoiselle, jamais je ne resterais dans une telle maison. Et alors ? Illustrissime, il y a quelqu'un qui vous demande. Qui cela ? C'est monsieur Lorenzin, avec un vieux monsieur. Oh, ça doit être monsieur Cristofolo. L'oncle de ma jeune maîtresse ? Oui, oui, laissez-nous, ma fille. Ah, bien illustrissime. Et priez discrètement mademoiselle Meneghina de monter chez moi. Bien illustrissime. Discrètement ? Oh, ne craignez rien. La discrétion, ça me connaît. Tony. Illustrissime. Priez monsieur Cristofolo d'entrer. Et monsieur Lorenzin. Dites-lui d'aller attendre au petit salon. Bien illustrissime. Et vous, Rosine, disparaissez, je vous en prie. Oh, pourquoi ? Obéissez-moi. Mais vous me raconterez, oui, alors. Mais oui, mais oui. Vite, vite. Ah, voici monsieur Cristofolo. Madame, je vous présente mes hommages. Illustrissime, je suis votre servante. Non, non, chère madame, pas de ces flatteries, je vous en prie. Des flatteries? Oh non, non, simple courtoisie. Alors, vous m'entendez très bien. Je n'ai pas besoin qu'on me traite d'illustrissime. Mais pourquoi? Je ne suis qu'un bourgeois, un simple bourgeois, qui, grâce au ciel, ne doit rien à personne. Les illustrissimes, les seigneuries, autres balivernes, je vous les laisse. Je ne voulais pas vous offenser. Vous ne m'avez pas offensé, agacé, oui, agacé, sans plus. Je ne recommencerai plus, je vous le promets. Et vous avez souhaité me voir, madame? Oui, oui, et je vous prie de me pardonner si je vous ai dérangé. Oui. Mais ne consentirez-vous pas à vous asseoir? Si, volontiers. Ah. À mon âge, on n'aime pas rester debout. Oh, je comprends. Alors, comment va votre époux? Qu'en attendez-vous? J'ai eu une lettre de lui pas plus tard qu'hier. Il devrait être ici à la fin de la semaine. Ah oui, sans doute arrivera-t-il par le courrier de Bologne. Oh, si vous saviez comme il me tarde qu'il soit là. Et quand on a un beau mari, on voudrait toujours l'avoir avec soi, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand il est absent, je n'ai envie de rien, ni de théâtre, ni de promenade. Toutes les femmes comme il faut sont comme vous. Et alors, madame Fabien, à quel sujet vouliez-vous me voir? Cher monsieur Cristofolo, pardonnez la liberté que j'ai prise, mais... Oui, vous n'avez pas à faire de cérémonie avec un vieil ami de votre mari. Parlez, je suis à votre disposition. Vous êtes trop bon. Je vous écoute. Eh bien, me permettez-vous de vous parler d'une certaine personne? De qui cela? Une certaine personne. Et à la condition que vous ne me parliez pas de mon imbécile de neveu, vous pouvez me parler de qui vous voudrez. Mais pourquoi voudriez-vous que je vous parle de votre neveu? Est-ce que vous croyez que j'ignore que ce petit idiot est venu habiter juste en dessous de chez vous? Oh. Hein? Non? Et figurez-vous que je m'étais presque mis dans la tête que vous vouliez me parler de lui. Oh. Et qu'il s'en est fallu de peu que je vous fasse la politesse de refuser de me rendre à votre invitation. Oh, je ne puis croire qu'un homme aussi accompli que vous... Je ne suis pas un homme accompli. Et qui plus est, si vous saviez combien je suis en rage contre ce Benet... Mais vous ne l'êtes certainement pas contre sa sœur, la pauvre petite. Cette pauvre petite est une sotte, elle aussi. Quand sa mère est morte, j'ai voulu la prendre chez moi. Mais mademoiselle n'a pas voulu venir. Mademoiselle a préféré rester avec son frère. Sans doute parce que chez moi, on se couche de bonne heure. Oh. Qu'on ne va ni au bal, ni à la comédie. Oh, certes, elle a eu tort. Je pense bien qu'elle a eu tort. Et elle doit s'en mordre dans les doigts maintenant. Oh oui, ça, si vous saviez dans quelle situation elle se trouve. Je le sais. Vous croyez que je ne le sais pas? Je le sais. Moi, je sais tout. Je sais que mon niais de neveu est criblé de dettes. Oh. Je sais qu'en 2 ans, il doit avoir jeté par la fenêtre quelques 10 000 ducats. Pas oui, oui. Possible. Entre le jeu, ce qu'on appelle les plaisirs, et ce que lui a coûté son bijou de femme. Oh. C'est elle, cette petite chipie qui a achevé sa ruine. Oh. Du jour où il a commencé à fréquenter cette maudite famille, il n'a plus été le même. Oh. J'ai cessé d'exister pour lui. Oui, naturellement, plus question de venir me rendre visite. Mais encore... S'il me rencontrait dans la rue, il faisait en sorte de m'éviter. Ça, et tout cela pourquoi? Parce que moi, je ne porte pas d'habits brodés. Oh. Parce que moi, je ne porte pas de manchettes de dentelle. Oh. Et je sais que c'est son illustrissime petite dame de femme qui est à l'origine de tout. Il paraît que je la dégoûte, que je lui fais honte, que je ne sais quoi encore. J'espère bien qu'on lui a rapporté ce que je pense d'elle, à cette guenille. Oh, voyons, voyons. Je me laisse emporter par la colère, excusez-moi, ma chère. Et dites-moi ce que vous attendez de moi. Permettez-moi de vous demander en quoi votre pauvre nièce est responsable de tout cela. Doucement, doucement, madame Fabien. Parlons net. Pourquoi m'avez-vous envoyé chercher? Pour vous parler d'une affaire qui m'intéresse. Qui vous intéresse personnellement? En un sens, oui, car il s'agit de mon cousin. Je vous écoute. Eh bien, il s'agit donc de mon cousin... Qui est-ce? Le fils de feu, ma cousine Germaine. C'est pour ça ce que je vous demande. Ah oui, oui, c'est... Enfin, c'est ce jeune homme qui est venu vous chercher de ma part. Ah oui? Vous le connaissiez déjà? Oui, je ne l'ai jamais tant vu qu'aujourd'hui. Il vient tout juste de finir ses études. Lui, en tout cas, avait l'air de me connaître. Et car oui. Il m'a trouvé au Rialto et m'a abordé en m'appelant par mon nom. Voyons, qui ne vous connaît pas à venir. Et alors, qu'avez-vous à me dire à son sujet? Eh bien, quelle impression vous a-t-il faite? Il m'a l'air d'un garçon comme il faut. Vous pouvez dire que c'est une nature d'élite. Tant mieux pour lui. Et que fait-il? Il a un emploi? Non. Non, mais il souhaiterait en trouver un. Oui, je pourrais l'aider. J'ai de nombreux amis. Oh, oh, ça serait magnifique. Avouez que c'est pour cela que vous vouliez me voir. Oui, oui, c'est aussi pour cela. Et pourquoi d'autre encore? Sachez que cet enfant voudrait se marier. Ah, très bien. Oui, oui. Il n'a pas encore fini de grandir, il voudrait se marier. Oh. Il n'a pas d'emploi et il voudrait une famille à entretenir. Il baisse dans mon estime. Mais si celle qu'il aime avait une bonne dot. Évidemment, cela changerait tout. Et qu'il puisse s'acheter une charge. Ah, oui, dans ce cas... N'est-ce pas? Mais dans ce cas, il n'a pas besoin de moi. Mais si, justement. Je ne comprends pas. Où voulez-vous en venir exactement? Pensez-vous que mon cousin puisse espérer trouver une fille de bonne famille ayant une dot convenable? A-t-il des hantes? Et il a un petit quelque chose. Et puis, ah, s'il avait une charge... Je crois que vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui. Dites-moi, cher monsieur Christoffel, si vous aviez une fille, la lui donneriez-vous? Oh, Dieu merci, je suis célibataire. Je n'ai ni fille ni garçon. Ainsi, inutile que je vous réponde oui ou non. Mais vous avez une nièce, la lui donneriez-vous? Ma bonne amie, sachez que vous n'avez affaire ni à un sourd ni à un aveugle. Je vous vois très bien venir, et je m'étonne que vous me preniez pour un enfant. Ah non, je vous ai dit que je ne voulais entendre parler ni de mon neveu ni de ma nièce. Et sur ce, souffrez que je vous tire ma révérence. Écoutez... Je refuse d'en entendre davantage. Oh, je ne comprends pas. Non, mais je ne veux pas qu'on me parle de ces gens. Il s'agit de votre nièce. Je n'ai plus de nièce. Oh, oh, oh, c'est un guet-apens. Un traquenard. Permettez, permettez. L'expression est un peu vive, il me semble. Et même si c'est un traquenard, je vous l'ai tendu par humanité. Oui, que vous le vouliez ou non, Meneghina est votre nièce. Et si elle est malheureuse, c'est à cause de son frère. Et si elle est au désespoir, c'est que vous semblez l'abandonner. Si une occasion se présente pour elle de se marier honorablement, un oncle digne de ce nom se doit de venir à son secours. Et même si vous en jugez différemment, tant pis pour vous. Moi, j'ai fait mon devoir. Voilà, et je ne regrette rien. Vous avez fini, madame? J'ai fini parce que je l'ai bien voulu. Mais je pourrais vous en dire bien d'autres sur le même sujet. Vous m'en avez assez dit, je vous remercie. Et vous, mademoiselle, qu'attendez-vous de moi? Rien, mon oncle. Que voudriez-vous que j'en attende? Je suis une pauvre fille sans fortune et la victime des folies de mon frère. Oh, pourquoi n'êtes-vous pas venue vivre chez moi? Parce que j'étais une sotte. Parce que je me suis laissée entraîner par mon frère. Quoi? Oh, mon bon oncle, je vous demande pardon. Je pleurais pleurer les pieds. Ma bonne amie, la pitié est une belle vertu, mais il faut en user avec ceux qui la méritent et non avec ceux qui en abusent. Si seulement je n'avais pas à souffrir les sautes d'humeur et les vexations de ma belle-sœur. Et en plus, elle a mauvais caractère. Une marâtre ne traiterait pas plus mal votre pauvre nièce. Oui. Et alors, mademoiselle, que comptez-vous faire? Oh, le sais-je, mon oncle. Mon sort est entre vos mains. Ah, toujours des grands mots. À genoux, je vous supplie. Oh, levez-vous. Non. Levez-vous, vous dis-je. Mais ne le méritez pas. Mais je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. Oh, oh, soyez béni, mon oncle. Oh. Si je puis me permettre de vous donner mon avis... Je me demande bien comment je pourrais vous en empêcher. Parlez. Eh bien, puisqu'une occasion de se marier se présente pour votre nièce... Une occasion? Quelle occasion? Mon cousin. A-t-il les moyens de l'entretenir? Il n'a que quelques petites rentes, je vous l'ai dit. Mais si vous lui achetiez une charge... Il faudrait d'abord que je parle un peu avec lui. Voulez-vous que je l'appelle? Il est là? Oui, oui, je crois que... Ah, si! Ah, vous saviez bien combiner votre coup. Mais je suis un vieux renard et ça ne prend pas... Oh, mon oncle, non, non, non, non, non, non, plus un mot. Vous ne tirerez rien de moi, vous entendez? Rien, rien. Oh, c'est comme ça. Ne perdez pas courage, Meneghina. S'il ne dit pas oui, votre oncle ne partira pas de chez moi. Oh, oh, que je suis malheureuse. Ne pleurez pas, ma chère, ne pleurez pas. Vous l'aurez, votre Lorenzine. Oh, mais puisque mon oncle... Votre oncle fera comme les autres. Quand ma sœur veut quelque chose, elle l'obtient. Je vous assure que son mari et moi, nous sommes payés pour le savoir. Cécilia, qui s'est enfin rendue compte de la gravité de la situation, se ronge et se mine et n'écoute que d'une oreille distraite les consolations que lui prodiguent le comte et Fabrizio. Allons, allons, allons, exquise amie, ne vous abandonnez pas ainsi à la mélancolie. Oui, mais oui, de bons conseils. Oui, oh, c'est facile, les bons conseils. Il y a remède à tout, dit le proverbe, sauf à la mort. Folle, sotte que j'ai été. Les plus belles fortunes de Venise, que dis-je de Venise, d'Europe s'offraient à moi. Je pourrais être couverte d'or de la tête aux pieds, que dis-je d'or, de brillants, de diamants. Mais non, il a fallu que j'épouse un meurtre de faim. Oh non, ça, je suis sûr que vous exagérez les choses. Tout va certainement s'arranger. N'est-ce pas quelques dettes par-ci, par-là, il n'y a rien de déshonorant, au contraire. Mais en tout cas, maintenant, mon mari sait à quoi s'en tenir sur ses amis. C'est à vous que ce discours s'adresse, mon cher. Non, je crois plutôt que c'est à vous, mon cher. Oh, que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Moi qui ai été élevée dans le luxe, qui suis habituée à nager dans l'abondance, à être servie comme une reine. Oh, mais vous serez toujours la reine de notre cœur, exquise amie. Oui, mais il suffit que mon mari vous demande de vous porter garant pour lui. Et vous vous enfuyez. Mais mon cher, cette fois-ci, il n'y a plus de doute, c'est à vous qu'elle s'adresse. À votre tour viendra, mon cher. Oh, mais où est-il passé? Bon sang, où est-il passé? Mais qui cela? Mais mon mari, voyons, le lâche, il me laisse dans le pétrin. Moi, en tout cas, je vous garantis que l'on ne touchera pas à mes affaires. Ah, ça, vous avez tout à fait raison, exquise amie. Et je vous conseillerai même de mettre votre dot à l'abri. Oui. Comment s'y prend-on? Oh, c'est très simple. Si vous le désirez, nous vous indiquerons la marche à suivre. Voilà. Oui, c'est ça. Rendez-moi ce petit service. Il faut que vous nous montriez votre contrat de mariage. Ah, il vous faut mon contrat? Oh, oui. Bien sûr. Oui, eh bien non, je ne veux pas que l'on dise que j'ai contribué à faire mettre mon mari en faillite, non. Dans ma famille, on sait se conduire et on est au-dessus de ces misérables petites questions d'argent. Voyons, mon cher, vous ne savez donc pas qu'elle n'avait pas un sou de dot? Mais je le sais mieux que vous, mon cher. Oui, donc ma belle-sœur, elle m'a plantée là, elle aussi. Tout le monde m'abandonne. Je ne voudrais pas que je me désespère, mon Dieu. Vous êtes injuste, exquise amie. Mais nous sommes là, nous. Mais oui, nous sommes là, et advienne que pourra, jamais nous ne vous abandonnerons. Non, au nom du ciel, exquise amie, ne vous laissez pas abattre. Non. Il y a bien maintenant 3 heures que midi a sonné. Oui. Je vous conseille de prendre un peu de nourriture. Ah, alors ça, mon cher, ça c'est la sagesse qui parle par votre bouche. Écoutez-le, exquise amie. Que je mange? Oui. Que je mange? Mais j'ai bien autre chose en tête. Je ne pourrais rien avaler, absolument rien. Non, maintenant peut-être, mais tout à l'heure. Ça, je vous assure que vous devriez faire préparer un petit encas. Un encas? Oui. Ne devions-nous pas être dix à dîner? Alors, nous vous tiendrons compagnie en attendant que votre appétit revienne. Oui, mais alors il ne faudrait pas trop attendre. C'est ça. N'est-ce pas, quand on a des émotions, on a toujours tort de rester sans manger. L'estomac se délabre, la santé en pâtit, et vous savez combien votre santé nous est chère. Exquise amie. Ah, je comprends que vous n'ayez pas envie de manger, vraiment, mais vous pourriez prendre une tasse de chocolat. Voulez-vous que j'aille dire à la cuisine qu'on vous prépare du chocolat? Mais non, je ne veux rien. Oh, je suis trop malheureuse. Bon, alors là, je crains qu'au lieu de vous réconforter, notre présence... Oui, ça, il vaudrait peut-être mieux que... Mon mari, le monstre, le monstre, voilà, arrière. Oh, ne m'accablez pas, vous aussi. D'autant que si j'ai fait des dettes, c'est un peu pour vous. Quelle dette? Est-ce moi qui vous ai dit de dépenser l'argent que vous n'aviez pas? Vous n'avez jamais rien demandé? Non, mais c'est tout comme. Oh, bientôt ce sera moi qui vous ai dit de prendre cette maudite maison dont vous n'avez même pas payé le loyer. Bien, je suis seul fautif. Ah, mais c'est trop facile de dépenser l'argent inconsidérément et d'en rejeter ensuite la responsabilité sur les autres. Vous avez raison. Et du reste, je voudrais bien savoir ce que sont devenus tous vos ducats. Je m'en suis servi pour faire des ricochets dans le grand canal. Je vous en prie, pas d'ironie, n'est-ce pas? Et où est ma sœur? Mais comment voulez-vous que je le sache? Il y a 2 heures que je ne l'ai pas vue. Et pourvu qu'elle ne soit pas allée. Où cela? Chez mon oncle. Si il est allé, eh bien, elle a bien fait. Il y a bien longtemps que vous auriez dû en faire autant. C'est vous qui me dites cela? Ah oui, c'est moi. J'aimerais mieux mourir que de m'humilier devant lui. Mais mon cher, quand on est dans votre situation, il ne s'y est pas de faire la fine. Oh, Madame Cécilia a raison. Vous êtes encore là, vous? Mais oui, exquise amie. Taisez-vous et ne venez pas fourrer votre nez dans nos affaires. Mais exquise amie. Notre amitié, madame. L'amitié se reconnaît dans le besoin. Et dans la situation où nous sommes, ce ne sont pas de bonnes paroles qu'il nous faut, mais des actes. Alors, exquise amie, je sais reconnaître quand ma présence est importune et souffrez que je prenne congé de vous. Allez, je ne vous retiens pas. Je pense que ma présence vous est également... Oui, vous pensez juste. Je vous salue dévotieusement. Je suis votre très humble serviteur. Vous voyez les amis que vous avez? Mes amis? C'était les vôtres, il me semble. Oh, allons, n'en parlons plus. Dites-moi, vous ne croyez pas que vous devriez aller chez votre oncle? Non. Et du reste, cela ne servirait à rien. Je suis sûr qu'il me chasserait comme un chien. Oh, si je pouvais lui parler, moi. Vous? Ah, ben, ça serait pire encore. Tiens, vraiment, pourquoi? Et pourquoi, je vous prie? Mais parce qu'il est encore plus monté contre vous que contre moi. Oh, ça, je suis convaincue que je le ferais revenir à de meilleurs sentiments. Oui, avec le caractère que vous avez. Mon cher, je sais me dominer quand il faut. Je ne suis pas encore aperçu. Oh, ce n'est pas le moment, vraiment, pour me faire des reproches. Vous n'avez pas de cœur. Oh, et après tout, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que nous risquons? Sautez en gondole et allez le trouver. Mais venez, vous aussi. Ah non, j'ai déjà assez d'ennuis. Oh, quel courage. Enfin, votre sœur m'accompagnera. Si elle y consent. Mais il faut, il faudra bien qu'elle y consente. Il faudra d'abord savoir où elle est. Appelez Lucietta, elle le sait sûrement. Lucietta. Monsieur Mappet. Dépêchez-vous. Il faut absolument que votre sœur vienne avec moi. D'abord parce que votre oncle ne me connaît pas, et ensuite parce qu'elle aura aussi son mot à dire. Vous désirez l'ostricime? Où est ma sœur? Je ne sais pas. Mais comment vous ne le savez pas? Ah non, ma parole. Bon alors, vous savez où elle est? Oh, je vais vous le dire, l'ostricime. Mais surtout, ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Parlez! Allons, vite! Eh bien, elle est chez les dames du dessus. Qui est-elle allée faire? Sans doute leur raconter mes malheurs. Oh, je vais vous le dire, mais surtout... Bien, mais parlerez-vous! Eh bien, savez-vous qui est là-haut, chez ces dames? Celui va du pied de Lorenzine, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Mais oh. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Qui cela? Monsieur Cristofolo. Oh, mon oncle! Mon oncle de monsieur est là-haut? Oui, l'ostricime, mais... Chut, surtout... Venez avec moi, Anzoletto. Où cela? Venez, vous dis-je. Non, je ne veux pas. Je vous dis de venir. Et vous allez voir si je tremble, moi, devant lui. Vous allez voir. Non sans mal, M. Cristofolo s'est laissé convaincre par Mme Fabia. Il a pardonné à Meneghina, consenti à la doter et a acheté une charge pour Lorenzine. Et maintenant, il veut s'en aller. Mais Mme Fabia, qui vient d'apprendre que le vieillard allait avoir un nouvel assaut à subir, ne l'entend pas de cette oreille. Si, à présent, il faut que je m'en aille. Oh non, là, je suis âgé, j'ai l'habitude de manger à des heures régulières. Et aujourd'hui, avec toutes ces histoires, je n'ai pas encore dîné. Je vous en prie, monsieur Cristofolo, faites-moi la grâce d'écouter encore quelqu'un. S'il s'agit de mon neveu, rien à faire. Il ne s'agit pas de votre neveu. Ah, j'espère que vous n'avez pas encore un cousin à marier. Non. Alors qui est-ce? Ne vous mettez pas en colère, c'est la femme de votre neveu. Comme veut-elle? Je ne sais pas. Ah, corbleu, j'avoue que je ne serais pas mécontent de lui dire deux mots. Vous voulez bien l'avoir? Oui. Mais si je lui dis son fait, n'allez pas me reprocher d'oublier que je suis chez vous. Ne craignez rien. Du reste, je vais vous laisser seule avec elle. Ah, je la dégoûte. Ah, je lui fais honte. Oh, eh bien, elle va en entendre. Monsieur, je suis votre très humble. Toute voile dehors. On dirait une frégate. Oh, me permettrez-vous de vous présenter mes respects? Présentez. Pourquoi vous éloignez-vous de moi? Pour vous éviter d'être incommodé par l'odeur de saucisse. Oh, je vous en prie, ne m'humiliez pas davantage. Je le suis déjà assez comme cela. Mon oncle... Donc, c'est à moi que vous parlez? Oui. Je ne suis pas votre oncle! Oh, certes, je ne mérite pas que vous le soyez. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, je vous prie seulement de m'écouter. Mais tout ce que vous pourrez me dire ne servira à rien. Si, oui, je le sais. Aussi, ne vous ferai-je pas de longs discours et me contenterai-je de vous demander de me pardonner, d'avoir fait le malheur de votre neveu. Et maintenant, dites-moi tout ce que je mérite. Tout, ce serait trop long. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis moquée de vous. Je vous ai tourné en ridicule. Vous avez bien raison de nous abandonner à notre malheur. Vous le reconnaissez? Oui, n'importe qui à votre place en ferait autant. Oui. Et maintenant? Maintenant? Oui, qu'attendez-vous de moi, maintenant? Mais rien, mon oncle, que votre pardon. Et qu'allez-vous devenir? Oh, ça... Je travaillerai. Vous savez faire quelque chose, vous? Mais non, pas grand-chose. Mais je pourrais peut-être me placer comme femme de chambre. Et lui? Oh, le pauvre. Bien entendu. Il va aller en prison. En prison? Un Arcani en prison? Oh, remarquez, il pourrait s'enfuir, mais... Alors, son déshonneur serait complet. Les choses en sont à ce point. Oh, hélas. Un Arcani en prison? Et vous me dites cela froidement? Mais comment voulez-vous que je vous le dise? Vous n'avez donc pas de cœur? Mais croyez bien que si. Mon Dieu, si je pouvais le sauver, mais... Ah, je peux peut-être y aller à sa place. Où ça? Mais en prison. Pensez-vous que le juge acceptera? Ne dites donc pas de sottises. Où est-il? C'est pas grand-chose. Mais il est dans la pièce à côté, vous voulez le voir? Oui, bien entendu. Dis-toi. Oh! Anzoletto! Oh! Anzoletto, venez, Anzoletto, votre oncle! Attendez, attention, tu es menacé de coucher ce soir en prison. Mais non, voyons. Mais si, il le croit. Votre oncle veut vous parler. Mon oncle, j'ose à peine... Pas de discours, schnappant. Dressez-moi un état de toutes vos dettes. Oh, mon oncle. Vous ne pouviez pas venir me trouver, non? Vous seriez laissé jeter en prison. Ah, mon oncle. Alors le nom des Argagny aurait été à jamais déshonoré. Ah, mon oncle. Heureusement que votre femme a de l'esprit pour deux, sinon... Ah, mon oncle. Mon oncle. Ah, mon bon oncle. Vous, ma nièce, il va falloir marcher droit. Vous m'avez embobiné adroitement, mais je ne suis pas dupe. Vous m'entendez? Je ne suis pas dupe. Oh, mon oncle, puisse votre neveu vous ressembler. J'aurais moins de regrets de ne pas vous avoir épousé. Et alors, tout est arrangé? Oui, grâce au meilleur des oncles. Ah, nous allons tous venir habiter chez vous, mon oncle. Ah, non, je veux bien payer pour tout le monde, mais je tiens à ma tranquillité. Oh, vous habiterez dans votre oncle. Nouvelle maison. Et sur ce, bonsoir la compagnie. Je m'en vais goûter un repos bien gagné. Oh, vive le meilleur des oncles. Vous avez entendu La Maison Neuve, comédie de Carlo Goldoni. Traduction et adaptation radiophonique de Michel Arnaud. Nous vous rappelons la distribution. Anzoletto, Daniel Lecourtois. Lorenzine, Clément Thierry. Cristofolo, Georges Chamara. Fabrizio, Christian Gérard. Lecomte, Robert Pisani. Sgualdo, Gaëtan Jor. Prosotino, Robert Moore. Tony, Hieronymus. Alice Cossea a été Cecilia, Hélène Perdrière, Meneglina, Micheline Boudet, Lucietta, Mireille Perret, Fabia, Claude Larue, Rosina, Jacqueline Cartier, celle qui raconte. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Prise de son de Jean Jouve. La musique ayant été empruntée à Antonio Vivaldi.